de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs en moi de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 27. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, dempart2, donc le chiffre 2, @dnmx.org. dempart2@dnmx.org. Donc si vous avez des informations. Type lien vers des articles de nouvelles qui vous paraissent pertinentes, si vous avez des questions, courrier des lecteurs, témoignages donc, ou autres, enfin des. Aussi, si vous êtes un donateur, vous pouvez nous envoyer un message à cette adresse. C'est donc par là que ça se passe, en tout cas jusqu'à présent. ELB, ça suit son cours. On a changé de nom de domaine, bon alors on est en point digital, mais ça va durer quelques jours, donc on en changera encore ensuite. La censure est vraiment très agressive contre le site aujourd'hui, donc la pression juive est vraiment intense, hein. C'est clair, net et précis. Ce que j'interprète plutôt comme un hommage... à l'ensemble de notre œuvre, on dira, et à une inquiétude aussi, je veux le croire, croissante au sein de la communauté républicaine, d'une certaine influence qu'on exerce, alors certes modeste, qui s'ajoute évidemment à l'action de bien d'autres groupes, mais quand même, c'est bon à prendre. Avant de remercier nos donateurs, je vais présenter les membres de cette semaine, puisque donc, ça y est, on est au mois de septembre. C'est toujours l'été, ceci étant dit, hein, quand même, on va en profiter jusqu'au 21. J'accueille avec plaisir Nogaret, et ensuite, on saluera Jean. Alors Nogaret, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, tout va bien pour moi, j'espère qu'il en est de même pour toi et pour nos auditeurs. Écoute, on fait aller. Jean, comment vas-tu? Salut. Eh ben écoute, je me suis farci Barbie cette semaine au cinéma. T'as été au cinéma? Ouais. Ah oui, tout oui seul, On m'a traîné. On t'a traîné. Était-ce une femme qui t'a traîné? Et on ne peut rien te cacher. Yes, je sais. Ouais, je ne peux plus consommer ces produits hollywoodiens, c'est plus possible. C'est alors c'est du vraiment, coup, c'est écrit juif partout en fait. Sur chaque image, il y a des juif écrit en lettres capitales sur les murs. C'est vraiment c'est pénible à regarder. T'as passé un mauvais moment quoi. Ah, il y a un petit moment qui est amusant quand en fait bon le synopsis c'est que c'est un monde imaginaire dans lequel les femmes vaquent à leurs fantasmes les plus extrêmes qui sont se changer toutes les 5 minutes ne pas avoir de soucis, avoir la vie la plus vite possible. Et puis bon, il y a un petit problème qui apparaît, donc il s'avère que la Barbie doit aller avec son Ken, donc le blond un peu débile qui l'accompagne dans le monde réel. Et là, j'ai trouvé que c'était amusant parce que Ken découvre le monde réel et il est fasciné par tous ces trucs de bonhomme, la gym, le cheval, tous les aspects de un peu de domination masculine, de perfection de soi-même et de ce qu'ils appellent le patriarcat dans le film, mais en fait qui est simplement bah, d'avoir des centres d'intérêt un peu diversifiés plutôt que le maquillage et le fait de changer de fringue toutes les 5 minutes. Donc bah j'ai trouvé que cette partie-là était marrante, mais à part ça ben, c'est la guerre des sexes en permanence. Donc c'est un des éléments principaux de la suprématie juive, c'est de dresser les hommes et les femmes blancs les uns contre les autres. Et puis ben, glorification de l'inventrice juive de Barbie à la fin. Ça, il fallait qu'il nous rajoute des couches de judaïsme le plus possible. Et puis alors, c'est spécifié, c'est dit, elle est juive ou pas? Ben elle s'appelle Ruth, je sais plus quoi. Elle a un nom très juif, elle a un faciès très juif, et c'est d'ailleurs elle-même qui joue son propre rôle, ouais, d'inventrice. Donc, et suis pas 100% sûr, mais bon, si t'as pas compris, t'es un peu à l'ouest quand même. Hein. D'accord. Ouais. et puis bah surtout l'aspect que j'ai trouvé le plus énervant, c'est qu'il fallait systématiquement vomir sur les hommes blancs, les ridiculiser. C'est vraiment des tocards, des débiles, inutiles. Est-ce que c'est une caricature de la caricature? Est-ce que c'est une caricature d'un film féministe, ou est-ce que c'est à prendre au premier degré? Bah, c'est pas clair. Il y a des gens qui pensent que c'était une caricature, mais comme il y a des juifs dans la production, et moi je crois que non, moi je crois que c'est, ils y croyaient vraiment quand c'est ils littéral, ont fait leur glorification du féminisme, et en fait ça tombe un peu à l'eau parce que c'est vraiment gnangnan, c'est ce féminisme à deux balles qui n'a aucune fin, aucun objectif. Ça n'aboutit sur rien, si ce n'est La finalité des femmes, c'est l'homme. Donc, quand tu retires l'homme de l'équation, les femmes tournent en rond, hein, a priori. Eh oui, absolument. Mais je veux savoir un truc quand même. Est-ce que comment tu expliques le succès du coup alors du film? Parce que c'est un succès planétaire, je ne sais pas, mais en tout cas en termes financiers dans le monde occidental, indubitablement. Alors comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a un secret d'après toi qui fait que ça percute et tu le mettrais au crédit de quoi? L'aspect grégaire des femmes. Moi, je pense qu'on a été nombreux à être traînés par notre moitié et que ça a fait pas mal d'entrées. Il y a aussi le fait que c'est la période post-Covid. Et excuse-moi, donc beaucoup... je te coupe, mais bah, du coup, t'as un sujet d'étude. Pourquoi ta femme a absolument voulu te faire voir Barbie? Et t'as dit ça... comment elle a dit, non mais j'ai envie d'y aller, mais d'accord, mais elle t'a pas dit si ça va, mais pourquoi elle t'a pas dit pourquoi ça avait piqué son sa curiosité? Bah parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis les pieds au cinéma, d'accord. Donc c'est pour ça. C'était ça ou n'importe quoi d'autre? C'est ça ou n'importe quoi d'autre? Ouais, absolument. Et en fait, en l'occurrence, c'était purement personnel, c'était que le seul horaire qui allait. Mais bon, après c'est aussi le fait que c'était le film qui était le plus diffusé. T'avais une séance toutes les heures, donc forcément il y avait une heure qui allait nous convenir. Moi, je serais bien allé voir Jeanne Dubarry plutôt, mais il y avait rien qui convenait. Donc, je pense aussi, oui, il y a un aspect promotionnel et le fait que ben s'il y a une inertie dans ce genre de film, ce genre de grosses productions, qui font que ben tu vas les voir parce que tout le monde est allé les voir, donc il y a une sorte d'aspect grégaire, effectivement. Ouais. Visuellement, tu trouves le film réussi ou pas? Non, non, non, je trouve que c'est très très désagréable à regarder parce que il y a beaucoup trop de plans rapides. En fait, ils peuvent pas faire des plans un peu stables sur lesquels on peut apprécier une scène. J'ai pas trouvé que c'était si bien fait, et c'est le monde en plastique, en l'occurrence de Barbie, est vraiment dégueulasse, dans le sens on n'aurait vraiment pas envie d'y mettre les pieds, quoi. Tout est faux, c'est tout un monde exprès pour être du jouet, mais ça fait pas rêver du tout, je trouve. Les piscines sont en plastique, donc les personnages marchent sur la piscine comme tu marches sur l'herbe, c'est ridicule. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sans talent. Il y avait pas de talent de la part surtout des scénaristes qui ont écrit les dialogues. Les dialogues sont vraiment, mais il y a des scènes très longues, j'ai trouvé. Je voyais plus la fin. Donc, pour me purger, j'ai regardé après, en rentrant, Les femmes savantes de Molière sur YouTube. Ah Et ça m'a fait plaisir. oui, il faut, je recommande vivement oui, je recommande vivement. Puis c'est bien écrit, c'est Molière, quoi. J'ai une Oui. question quand même. Est-ce que la personne qui t'a accompagné a-t-elle eu le même sentiment que toi à la sortie du film, ou au contraire a-t-elle été plutôt conquise par le film? Elle était, disons, relativement contente, mais une fois que j'ai commencé à déballer mon sac, elle a dit, enfin, elle était d'accord. Bon, mais le truc, c'est que les gens, en général, n'ont pas le radar anti-judaïque. Donc, comme moi, je l'ai activé en permanence, sensibilité extrême. Je tique sur mon siège Eh, moi aussi, toutes les 30 secondes. Donc, je ne peux c'est pas très, apprécier. c'est Alors, très désagréable, hein, parce que si le film est vraiment très juif, en fait, c'est 2 heures d'agression, quoi. Hein, et moi, j'ai eu le même truc en allant voir Joker, qui est un film extraordinairement juif. Hein, c'est un film frodo-marxiste, en gros. Il y a des scènes qui sont très malaisantes. Peu de gens l'ont remarqué, mais la scène où il y a donc l'acteur principal est déjà juif. Enfin, je veux dire, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, c'est Joachim Phoenix. Phoenix. C'est bon, d'origine juive, il faut quand même pas le perdre de vue. Il y a des scènes dans la baignoire avec la mère. Pour quiconque a un peu de culture, si vous voulez, littéraire, juive et freudienne. C'est évident, je veux dire, c'est clair. Et ça crée un malaise énorme. Bon, il y a ça, il y a d'autres trucs. Enfin, je suis pas là pour raconter ce film-là en l'occurrence, mais j'étais mal, quoi, dans ma chaise, j'étais mal, c'était long, c'était. Enfin, le juif se mettait en avant sans cesse, c'était insupportable. Et alors, quand j'ai discuté après avec les gens autour de moi, j'avais un retour complètement inverse. Les gens étaient, ah, c'est génial, c'est super, excellent, terrible, etc. Et moi, j'étais trop mal à l'aise à cause de tout le poison freudo-marxiste qui était diffusé durant tout ce film. Et c'est pour vous dire à quel point c'était un film de merde. C'est-à-dire que Branco, vous connaissez Branco, là, le gars de Saint-Germain, l'avocat qui s'est fait foutre dehors du Sénégal, il avait beaucoup aimé. Il avait dit, ça y est, Hollywood a choisi la voie de la révolution. Bon, voilà, ça c'est tout ce qu'il faut dire. C'est quand vous avez des clampins comme ça qui en arrivent à ces conclusions-là, vous êtes sûr que c'est un film de merde. Voilà. Donc c'est Oui, et insupportable. il y C'est a un pas. aspect aussi très pernicieux, c'est qu'ils montrent toujours les hommes qui ont des positions d'influence ou de direction. C'est aussi le cas dans Barbie. C'est des hommes blancs quasiment à chaque fois, C'est devenu la et règle c'est jamais pratiquement des maintenant. juifs. C'est jamais des Ah ouais. juifs, alors que toutes ces boîtes, enfin tous ces pourris, ces ploutocrates. À chaque fois, c'est des juifs quand tu vas chercher dans le monde réel. Et il faut toujours dépeindre l'homme blanc comme quelqu'un qui a tous les pouvoirs, tous les Bah t'as. privilèges et qui passe son temps, c'est pareil dans Joker, qui passe son temps à opprimer les braves gens, mais c'est Alors, jamais. il y en a un truc comme ça, c'est le film de DiCaprio à Wall Street, là. J'ai oublié le nom Ah du film. oui, Bah, ah c'est oui, le loup de Wall Street. ils ont Voilà. pris le plus goy, le plus arien des goy pour jouer un juif patenté. Ouais. C'est, voilà. Bon. Mais je pense que justement, Gandalf, tu fais bien de démystifier un petit peu, comme on pourrait dire, sur Joker, etc. Puisque moi, je me rappelle que ça m'avait fait un petit peu un électrochoc en lisant Céline, je crois que c'est dans Bagatelle pour un massacre, où il parle d'un film justement avec Jean Gabin. Qui avait fait un tabac à l'époque, et en fait il reprend ce film. Alors vous m'excuserez, j'ai plus le titre à l'esprit, mais il reprend ce film et il le démonte en montrant que c'est vraiment une propagande de bas étage pour vanter le juif sympathique, le juif contre qui tout le monde se ligue alors que lui il n'est que bonté, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire comme ça sur les films pour un petit peu Bah, déniaiser les Rissel gens l'a pour fait, hein. leur. Risen a oui, fait un bien gros sûr, travail sur. Bah, il a fait un film, il a fait un bouquin sur Hollywood, mais il a souvent cité les films hollywoodiens. Il aurait dû dire. Alors, il a aussi cité des films français. Hein, il parle, par exemple, Rabbi Jacob. Par exemple, Rabbi Jacob, c'est un film fait par des juifs. Hein, et c'est pas une satire des juifs. C'est-à-dire qu'à la fin, le bico épouse la blanche. Et il y a des scènes comme ça quand il y a Rabbi Jacob, donc il y a une espèce de révolutionnaire arabe avec lequel il se retrouve. Contre son gré embarqué, donc c'est Louis de Funès, et à un moment donné, ils arrivent au pied d'une église alors qu'il y a un mariage, et là, c'est un nègre qui épouse une blanche. Ouais, on est dans la France des années 60, début des années 70, si vous voulez. Donc ils étaient déjà en train d'empoisonner la société française. Ça vient de très loin, tout ça. Si vous regardez tous les grands patrons du cinéma français, dans les années au XXe siècle, hein, alors il y a eu des rebelles hein, dans le lot, mais c'est essentiellement des juifs. Et ils ont toujours diffusé leur poison anti-raciste, ce qu'ils appellent anti-raciste, c'est-à-dire en fait anti-blanc, le poison anti-blanc, donc la promotion du métissage, etc. Ça a toujours été leur truc. Hein. Et donc même dans des films qui paraissent aussi, apolitiques. Famille, grand public que Rabbi Jacob, c'est une espèce de boule de suif hébraïque, mais dans un éclat de rire, donc ça passe, etc. Et puis on a l'impression qu'on se moque un peu des juifs, tu vois, mais gentiment, tu vois, mais en fait, tu vois, t'as à un moment donné, la fameuse scène, c'est-à-dire, t'as De Funès qui apprend que son chauffeur est juif, donc il est joué par Guy Bey, qui d'ailleurs est un acteur qui est un acteur français, d'origine française, je veux dire. Hein. Et il est là, et puis il dit, bah, par exemple, moi, je suis juif. C'est mettre en scène, en tout cas, c'est véhiculer l'image du vieux patron français, catholique, blanc, antisémite, plein de préjugés, borné, obtus, et qui va dans ses aventures en fait un peu s'ouvrir l'esprit quoi en gros, et en fait il va juste s'enjuiver, c'est tout ce qu'il va faire. Vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi raciste? Salomon raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pâle, vous trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue? Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Ben si. Mais pas toute votre famille? Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Et malheureusement, ce travail a été assez peu fait, sauf par Hervé Risset, parce que c'est lui qui a vraiment... Pour le coup, à mon avis, en France, en tout cas ces dernières décennies, Risset a été un pionnier, parce que personne n'avait vraiment fait un boulot d'analyse critique des grands films, soit hollywoodiens, soit français, pour comprendre le sous-texte. Moi, je dois dire que ça m'était très utile de voir des grands classiques comme ça passer un petit peu au crible. Donc déjà, qui est le scénariste? Ah bon, il est juif. Qui est le producteur? Ah bon, il est juif. Ok, qui sont les acteurs? Ok, ils sont juifs. Quel scénario? Ah, ok, truc, voilà. Et bon, il y a pas mal de trucs comme ça. Hein. OSS 117, bon, pas besoin de présenter. Bon, il y a aussi des tas de messages comme ça. Par exemple, quand ils sont au Brésil, vous savez, ils traquent les nazis, là. Alors, enfin, les scènes qui sont marrantes, en fait, c'est non intentionnel, en fait. C'est quand les gens rigolent avec les nazis, c'est pas intentionnel, en fait. Mais ils essayent de présenter les nazis comme des gros débiles. Tu sais, t'as l'espionne juive israélienne, tu sais, vachement maligne, un peu charmante, tu vois. Enfin, les youpins s'amusent, quoi, je veux dire. Ils ont raison de s'amuser, parce qu'en plus, c'est payé par le ministère de la Culture. Donc, en plus. Voilà. Enfin, bon, on pourrait continuer comme ça. Surtout, l'agent français débile qui a rien compris, qui est complètement à l'ouest, aucun professionnalisme. Et ça je suis aussi très étonné que le public français soit aussi amateur d'un truc pareil. Et c'est comme ils avaient fait une série là sur les services de renseignement français dans les années 50, 60, je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. C'était une série Canal et c'est pareil, ils passent leur temps à se moquer des Allemands, à se moquer des Blancs, tout ça sous la direction de Juifs. C'est toujours. T'as regardé un film ou un téléfilm et tu les as tous vus avec ces Juifs. Ils Ouais, ont c'est vrai. vraiment aucune imagination. Ça tourne tout le temps en rond. Ils ont aucune inspiration pour des choses nouvelles. C'est très ennuyeux, je trouve. Oui, Mais mais justement, Jean, excuse-moi Gandalf, mais Jean, la série dont tu parles, je pense que c'est au service de la France et c'était fait par. Enfin, il y a dans les personnes qui ont collaboré à ça, il y a une des personnes qui travaille aussi justement sur OSS 117. Donc le ceci monde a peu explique de cela. souillé, ouais. Oui, c'est ça. Mais j'ai retrouvé le nom du film, c'était La Grande Illusion, qui est souvent d'ailleurs présenté comme Ah, la un grande grand illusion, film. ouais. Oui, le film que démonte Céline, mais ça me faisait penser, sinon, en fait, le Rabbi Jacob, c'est l'ancêtre de tous les films qu'on voit avec Christian Clavier aujourd'hui, du bon bourgeois un peu Oui, raciste oui. qui va s'ouvrir aux migrants. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est, en fait, de toute façon c'est de la viande empoisonnée hein, pour les chiens quoi, hein, en gros, hein, voilà, hein, toi, oh, t'as un steak, ouais, non mais il y a de la strychnine dedans, tu vois, on t'a pas dit quoi. Et voilà. Mais un œil exercé, entraîné, qui étudie les scénarios, découvre, et voilà, bon, il y a, de toute façon maintenant c'est obligatoire, je veux dire, tous les films ont forcément un message antiraciste. Ou féministe, parce que tu vois, de toute façon, quand t'échappes à une catégorie de poison, de toute façon, tu vas prendre la suivante. De toute façon, je veux dire, voilà, enfin, c'est obligatoire. Donc, les gens baignent là-dedans et sans s'en rendre compte, en fait, c'est un conditionnement. Et quand tu fais ça sur des décennies, bah, t'as une masse de gens qui est complètement anesthésiée, quoi. Bah, moi, je vous parle, et encore, on parle même pas des films sur l'Holocauste, quoi. Je veux dire, là, ça, c'est carrément, je veux dire, on les compte plus, quoi. Hein, je veux dire, mais. La liste de Schindler qui aujourd'hui serait classée comme un film révisionniste hein, parce qu'ils mettent en scène des thèses comment dire qui sont considérées aujourd'hui comme n'ayant jamais existé hein, je veux dire, par exemple il y a jamais eu de chambre il y a jamais eu de chambre à gaz avec des douches du gaz qui sort des pommeaux de douche. Bon Ah bah en si, je fait crois qu'ils défendent ça encore. Il me semble qu'ils défendent ça. J'ai lu ça quelque Ah part sur bah, une de leurs sites. pas dans les camps d'extermination officiels, hein, je veux dire, Auschwitz ou quoi, ça n'a pas existé. Hein, c'est vraiment les granulés d'insecticides. Hein. Voilà. Et alors, en fait, ils te montrent pas la scène. Ils regardent juste les. Ah, ils ont peur du pommeau de douche. Et tout d'un coup, c'est de l'eau qui sort. Ah, ça, soulagement général. Etc., alors qu'ils sont même pas censés savoir ce qui se passe. Ouais, tu vois. Bon, je te passe les détails. Bon, alors ça a été un peu la matrice. Après, on s'est tapé toute une série comme ça. On a eu. Bon, enfin, on peut tous les faire, quoi, mais je veux dire. Enfin, le pianiste qui est une calamité, hein. Je crois qu'ils ont eu des Oscars, le pianiste. Forcément, des Oscars, quoi, mais tu regardes le film, t'es atterré. Je veux dire, bon, même moi, je suis capable de faire abstraction du fait que c'est intégralement. C'est du roman, ok. Bon, mais je veux dire, bon, je regarde l'objet film, je regarde si c'est bien fait, bien joué, si les acteurs sont convaincants, s'il y a une intensité dramatique, si. Putain, c'est un téléfilm, le truc, quoi. C'est un téléfilm. Ah non, ça rate des Oscars! Ça rappe des Oscars, tu vois, facile, quoi, tu vois, c'est, voilà, en fait, c'est simple, à Hollywood, les Juifs, c'est facile, hein, ils regardent la pile de dollars que tu mets sur ton film, et ensuite, si c'est sur l'Holocauste, tu t'as des Oscars. C'est aussi simple que ça, tu mets 300, 400, 500 millions de dollars sur un film sur l'Holocauste, un grand film sur l'Holocauste, tu vois, tu vas avoir des Oscars, c'est obligé, si tu ne peux pas ne pas en avoir, c'est obligé, c'est juste, voilà, bon. Ça, c'est en passant, hein. On s'est écarté un peu de Barbie, mais bon, de toute façon, c'est plus ou moins le même bain. Je sais pas s'il y a des catégories de films qui échappent complètement à l'empoisonnement. Je crois pas, je crois pas. Tu prends même un truc comme Captain America, tu regardes, bon, bah, les méchants. Bon, le monde de Marvel, ça a été écrit par des juifs. Hein. Si vous vous intéressez, hein, le créateur de Spider-Man, Superman, c'est des dessinateurs juifs hein, qui ont créé ça. Toujours un sous-texte antifasciste, antiraciste. Bon, j'en passe et des meilleurs. Captain America, bon, bah, le grand méchant, c'est le nazi à tête de mort. Bon, voilà. Et puis à la fin, le Captain America, tu vois, il transmet son bouclier à un nègre. Voilà. Donc le futur Captain America, c'est un négro. Voilà. La transition raciale est réalisée et le grand rêve des Juifs a lieu. Enfin, l'Amérique blanche a été détruite. Le monde des Blancs a été détruit. Donc ces Juifs ne changent jamais. Voilà, c'est ça. Donc même quand tu vas voir un truc grand public où tu dis non, là c'est bon, c'est Superman, il va rien se passer. Si, tu auras encore un gros discours antifasciste. Et voilà, quoi. Mais c'est intéressant que tu parles de Marvel parce que c'est un sujet qui est abordé dans un bouquin de Claude Nancy. Il explique très bien à ce sujet que c'est vraiment l'idéal, c'est les super-héros, l'idéal juif par excellence, c'est le type ou la femme maintenant, beaucoup, qui a des pouvoirs un peu par hasard ou par accident et qui s'en sert pour accomplir certaines choses. Prétendument protéger les autres, alors que quand on oppose ça aux héros national-socialistes de l'orthodoxie des années 30, c'était quelqu'un qui travaillait très dur et qui s'élevait par son travail et par son abnégation. C'est pas quelqu'un qui a des super pouvoirs de voler ou de résister aux balles ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui, par force de travail et de labeur, vraiment. Oui, c'est pas magique, c'est ce que tu veux dire, c'est pas magique. Voilà, arrive à s'élever et se sacrifie. Il y a un sens de sacrifice personnel pour sa communauté, pour sa race, pour les siens. Et c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez Marvel. C'est des trucs magiques, comme souvent dans la pensée juive. Il se passe des choses magiques, on invente des pommes de douche. Oui, c'est comme les chambres à gaz, hein, c'est un peu magique. Voilà, faut pas trop chercher à savoir comment ça marche, parce que sinon on finissait en Écosse dans un frigo. Mais c'est magique, voilà, ça se passe, quoi. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Et si vous posez trop de questions, on vous dit que c'est la licence poétique. C'est ça, exactement, ouais. Tu traverses la mer Rouge, pourquoi? Parce que c'est comme ça, ça s'est passé, voilà. Cherchez pas, posez pas de questions. Ouais, non, mais ça c'est extraordinaire, ouais, tout à fait, ouais. Bah oui, bon, en tout cas, discussion intéressante, mais poursuivons notre émission, chers amis. Remercions nos donateurs. Vous le savez, démocratie participative dépend exclusivement de vous, chers donateurs, ou potentiels donateurs. On est en clandestinité, hein, c'est évident. Et donc, contre vents et marées, on se maintient. Et tout ça, c'est grâce à vous. Ceux qui, anonymement, nous envoient des dons, de différents volumes d'ailleurs, et ceux qui nous envoient un message pour nous le signifier, et ceux qui préfèrent rester discrets. Donc, nous allons remercier ceux qui nous envoyaient un email, bien évidemment. Les dons en crypto-monnaie, Monero, il y a un guide explicatif à droite sur le site. Vous pouvez de votre côté aussi, bien évidemment, essayer de, si vous ne connaissez pas, aller sur YouTube, trouver des tutoriels accessibles, didactiques. Il y en a. Alors, premier don, salut l'équipe, je vous adresse mon nom mensuel cordialement, et ça c'est signé Mélas Autocrator. On ne présente plus Mélas, salut Mélas, merci à toi, bien entendu. Don numéro 2, bonjour à toute l'équipe. Il semblerait que l'UE fasse la chasse à Monero, qui est d'ores et déjà banni de Binance, la plateforme que j'utilise généralement pour trader des cryptos. Alors Binance, en fait, ils sont en délicatesse d'une manière générale avec les autorités de régulation. Donc, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que Monero, de toute façon, est un peu dans le viseur. Donc le Monero est encore sur Kraken, c'est juste, mais qui sait pour combien de temps encore. Je vous demande par le présent email de me confirmer que vous avez bien reçu mon don de 0,22 Monero, car je suis passé par un canal inhabituel pour cela. Par ailleurs, à l'occasion de la journée mondiale des personnes d'ascendance africaine, oui, c'est cette semaine. Je souhaiterais rendre hommage au meilleur des Africains, Eugène Terre-Blanche, héros des peuples blancs lâchement assassiné par ces sales nègres. Dans son sommeil, vous trouverez ci-joint une vidéo d'un de ses discours. Il ne manquera pas de vous émouvoir et de vous rappeler un autre de nos héros. Alors, on mettra le lien avec l'émission. Hein. Amical salut à toute l'équipe et bonne semaine à vous. Et c'est signé anonyme. Voilà, c'est anonyme. Pour Kraken ça fonctionne. Puis ensuite on verra pour des moyens alternatifs si besoin, on vous tiendra informé. Mais normalement sur Kraken ça fonctionne encore. On peut acheter, enfin on peut se procurer des Monero contre des Bitcoins sans aucun problème. C'était la journée mondiale des nègres cette semaine. De l'ONU, c'est l'ONU, c'est vraiment le truc officiel quoi. Alors, il n'y a pas de journée internationale des Asiatiques, des Arabes, des musulmans, des Indiens, que sais-je, quoi. Hein. Bon, des Blancs, c'est même pas la peine de... Hein, voilà. Ils ont un truc à eux. Alors, c'est pour vous dire à quel point, je pense, c'est parce qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment des hommes, en fait. Donc, il faut à chaque fois, tu sais, c'est comme en fait, tu fais même pas la journée d'histoire, l'histoire noire, c'est le mois. Aux États-Unis, ils ont le mois de l'histoire noire, carrément, hein, c'est un mois entier, quoi. Et l'Union européenne a voulu faire la même chose. Ils ont fait voter une loi il y a un an et demi, deux ans, là, en plein Black Lives Matter, machin. C'était délirant, hein, tout ce qu'ils exigeaient. Alors, il fallait un mois. Enfin, c'est copié des États-Unis. De toute façon, l'Union européenne, c'est une copie des États-Unis à ce stade, on peut le dire. Donc, il fallait tout copier. Il fallait faire un mois, machin, une journée spéciale Beans, des fonds, trucs. Il faut évidemment de l'argent pour les nègres. Bah, c'était hallucinant, quoi. Il fallait ramper devant les nègres. Et voilà, et donc voilà, la journée internationale des nègres. Mais on sait bien que c'est pas des hommes, hein. Ils ont alors, d'après on sait, une étude récente, 19% d'ADN d'une espèce hominidée disparue, inconnue, n'ont pas les blancs et les asiatiques. Exactement, et à mon avis, c'est ce qui explique le tout, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont mélangés avec des hommes archaïques. Des hominidés archaïques, et ça a irrémédiablement altéré l'ADN, ou en tout cas, c'est un fossé suffisamment grand au plan cognitif pour ne pas les rendre aussi performants que les autres races d'hommes. Et voilà. Donc, finalement, c'est assez simple à comprendre, hein. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, bon. On fait ce que vous voulez, mais moi, j'en ferai pas grand-chose. Et certainement pas une journée internationale de vénération des nègres. Mais bon, hein, vous savez, on n'est pas aux commandes ici. La journée était assez discrète, d'ailleurs, à ma surprise. Hein, je m'attendais à beaucoup plus de raffus. Pas tellement. Apparemment, ça figure pas tout en haut des préoccupations. On n'a pas de journée internationale des juifs non plus, d'ailleurs. Si, c'est le 26 janvier, et puis le reste de l'année. Ah oui, oui. C'est la journée de l'Holocauste, tu veux dire. La fête de l'Holocauste. La libération d'Auschwitz, ils nous en font tout un paquet année. Enfin, libération. D'ailleurs, j'attends toujours que Monsieur Poutine nous explique ce qui s'est vraiment passé à Auschwitz. Moi, j'attends. C'est embêtant pour les Soviétiques, enfin pour les Russes, parce qu'ils ont rouvert tout de suite les camps et ils ont mis leurs opposants à eux. Donc, bon. C'est vrai. Non, c'est juste ça. Oui, c'est juste. Non, mais c'est exact. Oui, les gens savent pas ça, mais Auschwitz n'a pas cessé de fonctionner, en fait. C'est quand les Soviétiques sont arrivés, ils ont mis leur tous les opposants politiques, ils ont foutu Auschwitz. Les gens savent pas ça. Les gens, ils croient qu'ils ont libéré, c'était terminé, voilà, merci, au revoir. Non, pas du tout. Et justement, c'est ce qu'avait pointé du doigt d'ailleurs Robert Forisson. Il avait dit, mais n'oubliez pas que pendant 50 ans, hein, entre 45 et 90, jusqu'à la chute du mur, la Pologne était sous occupation soviétique. Sous la botte d'un régime très féroce communiste, d'ailleurs, non seulement communiste, mais en plus militaire à partir des années, début des années 80, parce qu'il y a eu une prise en main militaire de la Pologne au début des années 80, et évidemment, pour justifier la légitimité de l'occupation soviétique, il fallait unifier en fait, les Polonais contre les Allemands. Bon, c'était pas très dur, bien entendu, mais c'était une façon de se légitimer à peu de frais. Et donc, évidemment, c'est là que le Auschwitz est devenu un musée d'État polonais, parce que les gens ne doivent pas oublier ça. C'est pas un musée juif, Auschwitz. C'est un musée d'État polonais. Et c'est un musée d'État bien avant la Pologne contemporaine. C'est un musée d'État du temps de la Pologne communiste. Donc, c'était un musée de propagande communiste, comme tous les régimes communistes en ont eu sur des tas de domaines, par exemple. C'était un truc très connu, ça. Vraiment, hein. Et ça, ils s'en sont servis. Ils ont dit, bah voilà, vous avez vu les barbares, c'est un truc, bon, ok. Et c'est là qu'ils ont retrafiqué les lieux. Et donc, Forisson a découvert que, en fait, les fours crématoires avaient été reconstruits après la guerre. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit reconstruits, c'est ce qu'ils avaient dit. Bon, c'était pas une mince découverte. Il avait bien évidemment mis la main sur les plans originaux et il a découvert que dans la nomenclature du plan, il n'y a jamais eu de chambre à gaz, mais c'était une morgue, une simple morgue, où on entreposait quelques cadavres morts de maladies ou autres qu'on devait incinérer, mais pas du tout une chambre à gaz. Ils ont évidemment découvert les trous stupides qui ont été créés dans les toits pour essayer de créditer la méthode d'exécution. Bon, les portes en bois, parce que quand les gens remarquent, mais il y a une porte en bois, votre chambre à gaz, c'est des portes en bois. Alors ils disent, non, mais ça a été rajouté après la guerre. Et là, vous les prenez dans le sac, ils disent, ah bah donc vous avez modifié le truc après la guerre. Oui, mais voilà, c'est bon, ça, bon, voilà, tout est comme ça, et voilà, c'est de la mauvaise propagande communiste en réalité. Mais maintenant, ils peuvent plus revenir en arrière. Ils peuvent pas dire, ah merde, en fait, on a trafiqué, parce que voilà. Et il y a une convergence en fait entre les intérêts juifs et les intérêts, les plats intérêts soviétiques de l'époque et du régime polonais. Et en fait, le régime polonais, ben, il s'est débarrassé du communisme, mais il est resté nationaliste polonais. Et comme ils détestent les Allemands, ils savent qu'ils ont un levier pour faire du chantage moral aux Allemands à chaque fois que c'est utile. Voilà. Et puis quand c'est pas ça, c'est Katyn pour les Russes. Donc ils passent de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Sauf que dans le cas de Katyn, c'est vrai. La différence. Voilà. Mais c'est intéressant à relever. Voilà. Alors, et évidemment, Hollywood remet à chaque fois une pièce dans le truc. Donc voilà. Non, mais c'est la machine à cash. Hein. Auschwitz pour la Pologne, c'est la machine à cash. Hein. Et c'est même pas qu'une figure de style, parce que les gens me le disent, hein, y a des gens qui ont été visités, c'est un vrai Disneyland aujourd'hui, Auschwitz. Hein. Vous allez à Auschwitz, vous avez les tours opérateurs, vous avez les chaînes de bus qui sont là, il y a tout autour une économie qui s'est greffée, d'hôtels, de trucs, de machins. Alors les gens qui se disent Auschwitz, au secours, c'est lugubre, on a peur, en fait quand tu vas à Auschwitz aujourd'hui, c'est Disneyland, ou le Puy du Fou, quoi. Voilà, c'est une activité commerciale. Il y a rien de solennel. Il y a juste des vous avez des guides quoi, qui sont là pour vous mettre dans l'ambiance quoi. Donc ils sont là, rendez-vous compte, on exécutait les gens. Alors les gens ils sont là, ils flippent, ils ont payé pour ça en même temps et voilà. Et donc c'est quasiment comme Disneyland au sens strict. C'est-à-dire que tu vois, tu as Disneyland, la production de dessins animés, et puis tu as Disneyland, le parc d'attractions. Et ben Auschwitz c'est pareil. C'est-à-dire que tu as Hollywood qui se charge de produire les films, les documents, le truc, tout ça. Et puis, tu as le parc d'attractions, où tu vas, là, vous avez vu, c'est là que ça se passe, et c'est là où vous avez les sensations, etc., les frissons, etc., d'horreur, etc. Voilà. C'est lié, hein, c'est le monde juif, quoi. Ils voulaient faire des jeux de rôle, mais les gens se prenaient trop à jouer au niveau du Mirador, donc ils ont arrêté. Bah écoute, apparemment ils sont pas contents parce qu'il y a trop de gens qui prennent des selfies en étant morts de rire. Ça c'est le problème, hein. Il y a les femmes avec les smartphones. Alors, Et c'est... Oui, mais c'est comme en Hollande, ils avaient fait une sorte de démonstration avec des éléments militaires de la Wehrmacht, donc ils avaient montré des casques et tout à des gamins, et les gamins s'habillaient tous en allemand. Et ça avait fait paniquer les juifs parce que les gamins hollandais s'identifiaient beaucoup plus aux soldats allemands qu'aux soldats judéo-démocratiques d'en face. Bah moi aussi, malheureusement, à chaque fois que je prenais un jeu quand j'étais petit, je prenais tout le temps les Allemands. C'est bizarre quoi. Ils ont essayé de saccager le truc, ils ont beau essayer de mettre leur croix merdique à la place de la croix. Ah ouais, la croix de fer. Bon, j'aime bien la croix swastika. De fer, mais ouais, c'est pas si classe. Ouais, mais ça claque moins. Ils ont beau essayer de saccager l'imagerie de l'armée allemande, ça marche pas. C'est toujours beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sérieux. Mais ils ont étudié ça, tu sais, ils ont regardé de près, justement, qu'en Europe, ils ont regardé en Europe, quand t'as plusieurs équipes dans les jeux vidéo, quel que soit, tu sais, peu importe le type de jeu, mais où c'est relatif à la Deuxième Guerre mondiale et quand tu peux choisir tes équipes, ils ont remarqué que tout le monde, enfin, que les nations européennes en général, et c'est vrai en France aussi, les joueurs vont de préférence choisir les Allemands. C'est étonnant, t'es d'accord avec moi? Parce que ça va complètement à rebours de ce qu'on nous bassine, quoi. Ah bah oui. Ils vont pas spontanément vers les Américains. Sur Internet, il y a une fascination pour le Troisième Reich et Adolf Hitler. C'est pareil sur les vidéos YouTube. Tu regardes une vidéo, oui. T'as le malheur de regarder une vidéo sur pourquoi est-ce que le plan, je sais pas moi, à Koursk, Citadelle n'a pourquoi pas marché. Pourquoi ça a échoué, ouais. Tu cliques dessus. Et bam, t'as tout ton fil YouTube qui devient que s'est-il passé lors de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi les Allemands n'ont pas gagné, il y a des gens qui font des millions de vues sur des vidéos sur le côté allemand, des vidéos sur les généraux allemands qui réagissent sur les grandes opérations de la guerre après la guerre, donc ils écrivent ou ils donnent des interviews à ces sujets-là. Et il y a une véritable fascination sur Internet et mondiale. Hein, tu regardes, tu as des commentaires dans toutes les langues. Les gens s'intéressent beaucoup à cette aventure sans se rendre compte que, je pense, ils sont beaucoup plus séduits qu'ils ne voudraient l'admettre. Bah oui, parce que tu as le surmoi et le conditionnement qui les oblige à dire ah oui, mais quand même, truc, ouais, bien sûr. Hein, voilà, mais en fait, oui, et bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. On attend encore un film honnête sur Adolf Hitler. Hein. Ah. De nombreuses années après sa disparition, on n'a toujours pas. Tu ne crois pas à l'honnêteté de la chute ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Comme j'ai lu le livre déjà d'origine qui s'en inspire. Les témoignages, etc. Hitler n'a jamais eu de crise de rage comme c'est présenté. Le moment où là il est montré complètement fou, non, il dit pas ça. Adolf Hitler a levé la voix, c'est-à-dire qu'il a poussé une gueulante. Mais si tu montres le Führer qui pousse une gueulante, genre comme un mec qui engueulerait ses subordonnés, c'est pas payant. Donc il faut qu'il se mette à mort dans les tapis. Tu vois, c'est ça le truc. T'as le mec complètement dingue, quoi, tu vois. Et non, c'était pas du tout ça la situation. Les témoignages sont absolument clairs là-dessus, concordants. De toute façon, il y a les vidéos de l'époque, si vous voulez, les vidéos où il y a Hitler en mars 1945 qui fait encore un briefing avec ses généraux. Là, on est sur le front de l'Est. Donc là, il est dans un château en Allemagne on est en mars 1945. Hein. On a un Führer, mais qui est en pleine possession de ses moyens, d'un calme total. Tous les généraux sont autour de lui, etc. On n'est pas face à une espèce d'épave qui n'arrive même plus à marcher, je veux dire. Donc faut vraiment se méfier de voilà. Alors on voit des images, alors, en avril 45, etc. Bon, ouais, mais vous imaginez bien qu'à ce moment-là, le pauvre homme ne dormait même plus une heure par nuit pour tenir, était forcément prenait tout ce qu'il pouvait de médicaments simplement pour se tenir informé 24 heures sur 24, parce que là c'était la dernière ligne droite, voilà. Mais je vous dis, en mars 45. On voit l'homme encore en situation, on n'est pas face à une épave, ou je sais pas quoi, au contraire. Donc c'est tout, voilà. Donc la chute, moi je l'ai vu. Bon, certains éléments sont intéressants, voilà. On voit, bon, c'est une tentative, mais d'ailleurs ils en avaient fait un autre qui était beaucoup plus convaincant, qui était dans les années, dans les 70. Il s'appelait pas comme ça, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. C'était l'entreprise était quand même plus sérieuse. L'acteur d'ailleurs ne se sentait pas du tout besoin de se lancer dans des délires comme ça. Alors le film était quand même se voulait une satire, et par certains moments on ironisait en fait sur Adolf Hitler. Donc on le mettait dans une situation en train de faire une déclaration plus ou moins farfelu par rapport à la réalité du conflit, etc., mais où on le montrait peut-être un peu cynique, etc., mais c'était déjà beaucoup plus réaliste. C'était déjà beaucoup plus réaliste, quoi. Voilà. Mais en fait, si vous faites un film honnête sur Adolf Hitler, vous ne ferez plus de film après. C'est ça le problème. C'est voilà. Il faut le présenter en monstre, en fou, en esprit dérangé. Voilà, il faut le présenter comme ça. C'est, voilà, on peut pas le présenter vraiment. Voilà. Donc la chute m'a pas du tout convaincu. Voilà, je me rappelle ceci étant dit que l'auteur du film Shoah, du tunnel, à force de prendre des trains, j'ai oublié son nom, comment il s'appelait ce vieux sachem là. Lanceman. Oui, il s'était fait poisser d'ailleurs à l'aéroport de Tel Aviv en train de toucher les filles. Il n'avait pas aimé la chute parce qu'il trouvait que ça rendait sympathique le Führer. Pour lui, déjà, c'était déjà trop. Quoi. Voilà. Mais bon, non, j'ai pas été convaincu par la chute. Non. Non. Ni par Goebbels, par exemple, Goebbels qui est mal présenté. Enfin, c'est voilà, c'est, de toute façon, c'est, tout ça, c'est toujours une agression. C'est... Voilà, bref. En tout cas, c'est mon point. Ouais, mais par leur contrôle des médias et surtout de cette industrie cinématographique, ils décident de l'imaginaire collectif. Et ça, c'est un gros problème parce que, en fait, quand on parle de quelque chose aux gens, ils vont tout de suite se référer à ce qu'ils ont vu au cinéma. Donc, si on parle du Troisième Reich, ils vont tout de suite penser à la liste de Schindler, à la chute, oui, et ainsi de suite, à des fous furieux bloqués dans un bunker qui sont en train de s'énerver. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. Et, quand on commence à expliquer aux gens ce que c'était dans la réalité, ils sont Ils peuvent être un peu plus intéressés. Ça a été le cas d'ailleurs d'un collègue à moi. Il était allé parler ensuite au bureau d'éléments du Troisième Reich, notamment le fait qu'il donnait à des familles une maison. Et enfin, il y avait un système d'abattement par enfant, donc il y avait une hypothèque pour un couple, et à chaque enfant qu'ils avaient, l'abattement de l'hypothèque était de 25%. Donc au quatrième enfant, la maison, ils étaient en pleine possession de la maison sans avoir à rembourser d'emprunt. Et alors, c'est une politique familiale qui est tout ce qu'il y a de plus blanche, puisque les blancs ont besoin de posséder le lieu où ils habitent pour faire des enfants. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi mathématique que ça, mais c'est exact. Et alors, il était allé raconter ça au bureau, et il s'avère qu'il y avait une juive face à lui. Ouais, il a eu des problèmes. Hein. Oui, il avait eu des grands problèmes. Parce qu'elle avait tout de suite dit qu'elle se sentait agressée, qu'il parle de la politique sociale du Troisième Reich. Ah bon, pourquoi ? C'est marrant ça que les juifs se sentent agressés par une politique favorable aux familles blanches, c'est étrange ça. Même si ça fait un peu le lien avec Barbie, mais c'est bizarre quand même, non ? Non, mais quand même, je veux dire... Non, mais quand on lit le Führer, mais il faut aller aux bonnes sources, on est fasciné par par la hauteur de vue du Führer, vraiment un homme en pleine possession de ses moyens, puis un homme d'État, parce qu'il faut quand même voir ce qu'il a sur les bras à l'époque, et quelqu'un qui est dans l'abnégation complète, parce qu'il avait un train de vie qui était extrêmement sobre, hein, attention, hein. Surtout durant la guerre, en gros, il était tout le temps en train de s'occuper de... Enfin, en gros, il était dans sa salle des cartes, il recevait un peu du monde, parfois dans un petit salon avec quelques fauteuils pour discuter, remettre quelques médailles, ce genre de choses, recevoir un ambassadeur, voilà, mais il était tout le temps en train de travailler, cet homme. Donc, c'est bon. Alors, après, quand on vous présente Dracula, c'est... Bon, voilà, les Juifs, quoi, les Juifs. Ils sont les Juifs à leurs mauvaises œuvres. Alors, je continue avec nos donateurs, parce que l'air de rien, quand même. Numéro 3. Voici ma contribution pour la semaine du 28 août, soit 22 $ canadiens. Gandalf a abordé le sujet de l'immigration au Québec lors de la dernière émission. Ce qu'il a dit est absolument juste. Donc je disais qu'il y avait un phénomène de négrification qui se matérialisait assez clairement au Québec, y compris dans les villes adjacentes à Montréal, d'ailleurs. Alors, j'habite dans la région du Saguenay, ou devrais-je plutôt dire Saguenègre. L'immigration est très récente, mais massive ici, et presque exclusivement nègre, surtout du Camerounais, du Sénégalais, du Tchadien et du Gabonais. Donc, la francophonie en marche, le nègre civilisateur est en marche, et personne pour le moment ne semble trouver bon de s'y opposer. La bonne nouvelle, les putains nègres sont très rares et je n'y ai, pour ainsi dire, jamais vu de couple multiracial, outre quelques boomers avec leur latina ou leur négresse ramenée de voyage. À quand une visite officielle de son éminence le cardinal Derrick ? Je vois déjà les foules en délire devant le cortège, chacun voulant s'approcher, espérant recevoir un peu de sa sapience divine. Alors oui, alors s'il fait un voyage, ce sera probablement justement les Camerounais, les Gabonais qui viendront saluer le chef de l'église. Homme du Nord, on signe l'homme du Nord. Alors, c'est triste pour le Québec, parce que... en plus, c'est un défi aux lois de la nature, parce que, bon, les nègres, ils viennent du Gabon, du Sénégal, du Tchad, donc c'est le Sahel, quoi. Et ils vont au Québec. Donc c'est pas viable pour eux. Ça n'est viable que par le guichet social et le radiateur, quoi, offert par l'homme blanc. Mais sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Les nègres sous la neige, ça n'a pas de sens. Et ben pourtant, c'est l'opération qu'ils mènent au Canada français, pour le coup. Mais alors le Canada anglophone, c'est terrifiant. Hein. C'est fini, quoi, le Canada. C'est plus du tout blanc. Hein. Alors en plus, vous allez me dire, alors un truc, c'est parce que on n'a pas les mêmes représentations mentales. Quand on regarde le Canada, on voit la carte, on se dit, voilà, c'est très grand. Non, mais en fait, quand on parle du Canada, c'est comme l'Australie, c'est quelques villes, en fait. On parle de quelques villes. Et en fait, si vous négrifiez les 4-5 villes principales, bah, le Canada est négrifié, en fait. Alors, dans la partie anglophone, eux, ils prennent des Chinois et des Indiens et des Pak-Pak. Il n'y a pas que ça, mais grosso modo, c'est ça. Et alors, des Somaliens aussi. En ouais, mais ils sont à fond. Alors, les données statistiques sont claires. 2004, comme aux États-Unis, 2040-45, ça y est, c'est enterré. Le Canada anglophone est à minorité blanche. Ils sont tous contents, ils sont tous, c'est génial, super. Ils ne raisonnent qu'en termes de fric. Ils disent, ils appellent ça l'économie, la croissance, leur machin. Donc en fait, voilà, des nègres. Alors au Québec, comme ils ont dû se battre pour conserver en fait leur identité, leur cohésion, c'est plus dur. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir quand même un sentiment de minorité assiégée. Ça cultive le syndrome de la résistance, en tout cas durant un certain moment. Alors que les anglophones, ils s'en foutent complètement. Ils en ont rien à foutre. Hein, je veux dire, vous donnez votre pays à Shintok, oui, super, génial, la croissance. Voilà. Donc voilà. Au Québec, un peu moins, c'est-à-dire que bon, en fait, ça va pas être une résistance raciale, mais ils vont être là. La langue, ça compte. Alors, ils se font avoir parce qu'évidemment, ils vont faire venir des francophones, mais bon, ils veulent quand même un peu préserver leur truc, mais au bout d'un moment, le serpent se mord la queue. C'est-à-dire, ça sert à quoi d'avoir... Enfin, si pour préserver la langue française, tu fais venir des nègres et que tu euthanasies ton peuple, ça sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est d'une. La laïcité, on voit qu'ils ont un rapport différent à la question de la religion. Donc évidemment, c'est inspiré de la France, leur attitude, mais ça tranche avec le Canada anglophone. Le Canada anglophone, vous les connaissez, eux, c'est du clientélisme ethnique. Donc, Mohamed, tu veux voiler ta femme de pied en cap? Aucun problème, t'es le bienvenu, vas-y, applique la charia, ça me va très très bien. Voilà, mais tu votes bien. Hein. Voilà, donc c'est pas la même approche. Alors, on sait quoi penser de la laïcité, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous allez me dire que c'est pas la panacée, ni même une solution. Évidemment pas, mais en tout cas, ça a au moins le mérite de se dire, bon, on veut fixer encore quelques règles sur nos terres, en gros. Alors que les autres, ils s'en foutent. Ils disent non, mais tu viens, t'apportes tes lois, tes trucs, fais ce que tu veux. Paye tes impôts, par contre. Hein. Mais fais ce que tu veux, autrement, on s'en fout complètement. Il y a quand même l'idée de rester dominant linguistiquement et sur certaines valeurs. En tout cas, bon, c'est un peu dérisoire, si on veut, mais ça fait une différence notoire. Bon, mais en fait, ça change pas grand-chose, ou même rien, puisque là, maintenant, ils sont à fond dans les vannes de l'immigration. Et ils en bouffent, mais pas que dans les grandes villes, comme je disais, parce que mais c'est carrément une petite commune. Et je le sais, mais c'est pas parce que j'y suis, c'est parce que des Québécois, tout simplement, m'en ont informé. Ils m'ont simplement dit, je vis dans un petit village, là, et ben, on les voit, ça y est, ils arrivent. Et c'est comme en France, quoi, dans les petits villages français. Ça y est, putain, on les voit arriver, quoi. Ben, c'est pareil. Donc, là, il faut réfléchir, hein, comment ça se fait que aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, en Irlande. En Irlande, en France, c'est le carnage en Irlande, là. Probablement un des pays qui rattrape son retard le plus rapidement de tout le monde occidental. C'est d'une brutalité absolument inouïe ce qui se passe en Irlande. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe en Irlande en termes de volume. Donc c'est un pays, ils sont déjà complètement saturés au niveau de l'immobilier, ils n'ont plus de place. Ils en font venir des centaines de milliers pour un pays qui a 6 millions d'habitants. Et c'est l'application d'un programme qui avait été annoncé, Irlande 2040. Il fallait en faire venir, je ne sais plus quoi, 1,5 million, je crois. Bah, ils appliquent. Qui est le Premier ministre irlandais? Un métis dégueulasse d'Indien, homosexuel, ouvertement homosexuel. Bon, bah, il fait son boulot de métèque homosexuel à la botte de Davos, quoi. Il repeuple. L'Irlande, ça va à une vitesse hallucinante. Pour ne citer que cet exemple, hein, je veux dire, voilà. Et donc, vous dites, c'est pas possible, c'est un plan concerté. Eh bah, ben oui, c'est un plan concerté, évidemment, bien sûr. Voilà. Donc le Québec, bon ben voilà, bon, ils ont élu une espèce de gars là qui avait essayé de dire oui quand même la laïcité tout ça, mais bon c'est du flan quoi, ça va. En dernière analyse, dans les pays anglo-saxons, de toute façon c'est le big business qui décide quoi. Voilà, c'est le big business qui décide. Voilà, on a besoin de temps de larbin, voilà, ça rentre quoi. Voilà. Bah, dans toutes les démocraties. Hein. C'est toujours des plutocraties. C'est ceux qui achètent les médias qui décident comment ça se passe. Ah, il y a ça. Et pour revenir un petit peu sur Gandalf, ce que tu disais sur le plan global, plusieurs fois, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, mais plusieurs fois, j'ai vu passer le fait que les équipes de Trudeau, etc., avaient annoncé que pour 2100, ils voulaient 100 millions de personnes au Canada, sachant qu'il y en a 40 millions actuellement. Les 60 millions, faut bien les trouver quelque part. Et, oui, et justement, Bah oui, et justement, comme disait à l'instant Jean sur le big business, et comme il disait au début à propos de Barbie, où on représente souvent les blancs comme les grands patrons, etc., j'étais tombé sur un article de Bloomberg, hein, qui présentait la vision de Mark Wiseman, un homme sage, hein, je vous laisse Wiseman, yes, ouais. Oui, voilà, je vous laisse deviner un petit peu sa communauté, hein, s'il en prête Hollandais, plus ou non. Hollandais. Ah, pas de bol. C'est pas de mal. Et ce Mark Wiseman, justement, travaille pour BlackRock et appelé à ces fameux 100 millions de personnes au Canada, etc. Donc, voilà, la boucle est bouclée, on voit toujours les mêmes personnes à l'œuvre sur tous les tableaux, sur tous les pays. Maintenant, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Gandalf, par rapport au Québec, le problème, c'est que quand on parle, par exemple, de la langue, etc., ça me fait un petit peu penser aux souverainistes qui rêveraient par-dessus tout de détruire l'Allemagne, mais qui ne voient pas le problème à se faire envahir par toute l'Afrique, Ah, pour bah une question de langue. j'ai vu quelque chose d'assez tragique justement cette semaine sur Twitter, donc de souverainistes. Bon, c'était un mème où on voit, donc ils aiment bien triper aussi la Sainte Dalle, vous savez, c'est tout ça. Et en fait, ça représentait une carte de l'Europe, sauf qu'à la place de l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui, bien sûr, il y avait un océan, c'était la mer d'Allemagne, donc la mer, hein, la mer espace d'Allemagne. Et les gens disaient, ah super, Strasbourg avec la plage, etc. Il ferait pas bien chaud, à mon avis, mais bon. Bon, c'était critique. Il y avait quand même pas mal de Français qui étaient sceptiques, hein, franchement. Ils disaient, est-ce qu'on n'a quand même pas plus urgent? Mais le fait que ça existe exprime quand même quelque chose. Et je dois dire que je suis assez inquiet de voir que dans un pays aussi menacé dans son existence physique que la France, exemple biologique, on ait encore des conneries du début du XXe siècle comme ça qui divertissent. Parce qu'en plus, c'est même pas sérieux. C'est-à-dire que bon, en 14, c'était sérieux. C'était pas juste la fanfaronnade en 14. Fallait quand même monter au front avec un flingue et quand on voulait bouffer du Bosch, fallait quand même risquer sa peau. Bon, ça pouvait être malvenu, enfin, je veux dire, stratégiquement pour l'Europe, le continent. Mais bon, au moins, il fallait quand même montrer qu'on est des couilles quand on avait ce genre de conception, quoi. Et bon, beaucoup l'ont montré, et d'ailleurs, beaucoup en sont morts. Et donc, ça s'est terminé par la catastrophe qu'on a vue. Bon, trois guerres, mais dont deux mondiales entre la France et l'Allemagne. Bon, résultat, les deux pays sont détruits. On devrait se dire, on a quand même pu retirer deux, trois leçons. On a quand même des mecs encore, ils sont dans un pays qui est squatté par des nègres, des bougnoules, qui baisent leurs filles, hein, devant leurs yeux, hein, ils les violent même, hein, voilà. Ils plantent des randoms tous les jours, les Français de souche, les petits Français de souche rasent les murs dans leurs propres villes, enfin dans leurs anciennes villes, et on a quand même encore des demeurés qui s'amusent avec ce genre de trucs. Je dois bien dire que enfin, je sais pas si ça force admiration ou si ça pousse à la méditation, mais... C'est quand même inquiétant parce que en politique, il faut définir l'ennemi. Et me semble-t-il que l'ennemi prioritaire et racial, c'est celui qui submerge totalement la France aujourd'hui. C'est celui qui, d'ailleurs, exprime par tous les canaux l'envie de détruire les Français de souche. Il me semble qu'ils ne sont pas du tout avares de ce côté-là. Je veux dire, les Algériens, les Métèques, les Traorés et compagnie, ils sont absolument clairs quant à leurs intentions génocidaires. J'ai pas l'impression de voir beaucoup d'Allemands qui disent, putain, il faut génocider les Français. Et en plus, des Allemands qui seraient en France. Il faut faire la peau. Français, j'ai pas l'impression. Donc en fait, je me dis, c'est un leurre. Alors on va me dire, oui non, mais c'est une blague, c'est de l'humour. Ah, faut pas prendre ça au sérieux. C'est pas que de l'humour. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'autisme, hein, même franchement. Bon, que pour des raisons familiales, on n'est pas les Allemands dans son cœur. Bon, pourquoi pas. Ça peut s'expliquer. Hein. On peut avoir des griefs intergénérationnels. Hein, mais là, quand même, je pense quand même que c'est problématique, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'on parle quand même de choses sérieuses, parce que là, je veux dire, si on prend pas les choses sérieusement, dans les 20 années qui viennent, là, on va avoir de très, très, enfin, même pas nous, c'est-à-dire que les générations suivantes, donc les enfants, petits-enfants, vont faire face à des situations absolument tragiques et dramatiques. Donc, je pense qu'il faut quand même pas trop prendre ça à la légère, au sens, faut pas prendre ce qu'on vit à la légère. Et malheureusement, je pense que les souverainistes sont des gens dangereux par leur inconséquence. Enfin, inconséquence quand c'est pour faire ça. Si on me dit, voilà, il faut renforcer l'État français, faut rendre des moyens de rendre leur destin aux Français. Bon, d'accord, moi je veux bien, très bien, pourquoi pas. Mais si c'est pour faire ça, non. En tout cas, de mon point de vue, c'est mon opinion. Oui, je suis d'accord avec toi, avec toute la critique sur oui, mais si on sort pas de l'Europe, patati patata, t'as envie de dire un chef d'État, un vrai chef d'État, pas un couillon élu par la démocratie, mais un vrai chef d'État avec une volonté, l'Europe, pas l'Europe, ce sera pas la question en fait. Ça, c'est encore. Moi, j'entends les critiques sur l'Union européenne. Moi, j'aime pas l'Union européenne. On voit ce que c'est, von der Leyen. Bon, elle est au service de puissances étrangères hostiles, on le sait. Maintenant, quand je vois les souverainistes, c'est une secte. On a un exemple concret, c'est quoi ? La Grande-Bretagne. Bon, voilà, Farage. Farage, qui peut être un personnage qui, par certains aspects, est sympathique, qui a fait des critiques pertinentes. Mais bon, le produit final, c'est quoi ? Bah, c'est que les types, en face, parce qu'il a fait une critique de Bruxelles, il a critiqué, bien sûr, les partis au pouvoir, il continue de le faire, en Grande-Bretagne. Mais ça n'a jamais été vraiment une critique de fond. C'est toujours, le parti X, le parti... C'est pas une question de parti. C'est une question de... C'est la structure profonde de l'État britannique. C'est ça qu'il fallait critiquer. La puissance financière, évidemment, le rôle des Juifs. Bon, le rôle des Juifs, Farage, je peux pas dire qu'il était très volubile sur le sujet, quoi. Il nous a parlé beaucoup des Polonais, pas tellement des Juifs. C'est un peu dommage. Donc ils ont foutu dehors tous les Polonais. Résultat quoi ? La classe dirigeante britannique, fidèle à elle-même, parce que la classe dirigeante britannique est absolument impitoyable, ils ont fait venir des masses énormes de crasseux du tiers-monde. Là, ils en sont 1 million. C'est-à-dire, Macron est un homme d'extrême droite à côté de la droite britannique en termes de volume d'immigration. C'est 1 million par an. Donc le Brexit, c'est quoi ? Brexit mobilisé essentiellement dans l'opinion britannique par le refus de l'immigration, c'est on veut reprendre, alors qu'ils étaient déjà même pas dans Schengen, donc ils pouvaient en fait déjà contrôler leur immigration. Mais c'est parti là-dessus, oui, Brexit, on va enfin contrôler nos frontières. Résultat quoi ? 1 million de babouins tous les ans par leur droite. Voilà. Donc non, non, non, non et non. C'est pas une question géographique, ce que je veux dire. C'est pas l'endroit où se trouve vraiment le pouvoir. C'est l'identité de la classe qui est aux commandes. C'est ça qui est en jeu, en fait. Et cette classe est très bien représentée à Paris, elle est très bien représentée à Bruxelles, elle est très bien représentée à Berlin, à Londres, à Washington, à New York, etc. Donc, le problème, si c'était aussi simple que ça, voilà, je sors de l'Union européenne, ça y est, je suis en situation, je règle tous mes problèmes. Non. Non, parce que vous avez une 5e colonne de traîtres qui est déjà présente et qui nous ont plongé dans les guerres mondiales pour le compte des mêmes intérêts dans le passé. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc en fait, l'analyse souverainiste est mauvaise. Parce que c'est une analyse, c'est une petite analyse gaulo-communarde, antifasciste, en plus, sans le... Parce que, bon, à l'époque, quand même, durant l'occupation, quand on avait envie d'être gaulliste ou communiste, il fallait au moins mettre un peu sa vie en danger. Bon, là, c'est facile, c'est confortable d'être gaulo-communard à 80 ans de distance. Donc, c'est juste de l'autisme, ça vaut rien, c'est cantonné à Twitter, c'est pas sérieux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et le pouvoir n'est absolument pas menacé par ça. Et de toute façon, quand ces gars-là, ils se présentent aux élections, ils font 1 point. Donc, c'est pour vous dire si le régime n'est pas vraiment inquiet avec ces types-là. Donc, ça fait beaucoup de bruit sur Twitter et ça n'a aucune espèce de réalité en pratique. Voilà. Et pendant ce temps-là, les bougnoules et les nègres, ils font la loi en France. En plus, les mecs, ils sont là quand ils font un match de foot, là, les Algériens, ils sont au pied de l'Arc de Triomphe et ils disent, on est en train de vous coloniser, on va vous niquer. Bon. Moi, je sais pas, hein. C'est aux gens de voir leur priorité, hein. Si c'est leur priorité, c'est d'aller, je sais pas quoi, niquer les... Et en plus, quand la France a eu les moyens, elle a pas réussi à niquer l'Allemagne toute seule. Alors bon, c'est pour vous dire, non. Bon, je sais pas s'il y a quelques campeurs. Moi, je vous dis, hein, vous avez envie de niquer les Boches? Ok, bon, très bien. Bon. Regardez la gueule des clients, là, qui font leur SNU, là. Regardez un peu les machins auxquels on file les jogging, là, essayer de... Bon. Allez conquérir Berlin avec ça, on en reparlera plus tard. Un peu. Et en plus, c'est même pas Berlin qui fera, parce que c'est les Russes qui arrivent à toute force. Et croyez-moi bien que ceux-là, ils rigolent pas. Parce qu'en plus, les anti-Boches forcenés, là, ils chassent des fantômes. Hein. Je veux dire, les casques à pointe, ça n'existe plus. Hein. Je veux dire, tu te balades en Allemagne, tu vas trouver que des hippies. Hein. Je veux dire, ils chassent des fantômes. Les seuls gens vraiment un peu énervés, c'est les Russes. Voilà. C'est les seuls mecs qui ont vraiment des qualités martiales aujourd'hui. Voilà. Voilà. Les démocraties juives se sont assurées que l'Allemagne ne soit plus jamais une menace. Et ils l'ont fait. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est un peu un monologue, mais moi j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est pas possible quoi, qu'on en soit là de la réflexion. Quoi. Enfin, je sais pas si vous en pensez. Enfin, Jean, je sais pas entendu. Bon, je crois connaître tes opinions, mais. Non, on s'est déjà exprimé à ce sujet-là. Oui, t'as raison. Ajouter. T'as raison. Ouais. Don numéro 4, bonjour Gandalf à toute l'équipe, je vous ai fait parvenir un don de 0,1 Monero, je vous souhaite une bonne émission, soutien à Vincent, bien sûr on pense à Vincent dans sa geôle, et c'est signé Alpineur qui nous soutient bien évidemment régulièrement comme homme du Nord et comme d'autres évidemment donateurs. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, c'est signé Deus Fortitudo Mea, et vous allez comprendre pourquoi. Salut à tous mes petits farfadets nationaux. J'écoute vos émissions avec un grand intérêt depuis quelques mois et je me suis mis à rattraper les émissions plus anciennes. Alors, c'est sa formule. Hein. Cet antisémitisme puant se trouve être des plus savoureux et je me délecte chaque fois davantage lorsque les médias judéo-pédés parisiens s'étouffent dans leur propre venin en essayant de crucifier votre contenu en place publique pour l'exemple. Le résultat est là. De plus en plus de gens me parlent de vous. Me demande le lien de votre site, et la parole se libère petit à petit. J'aurai beaucoup de sujets à aborder avec vous, et pour ne pas ennuyer tout le monde, je partagerai mes anecdotes, questions et remarques dans plusieurs mails lors des prochaines semaines. Premier sujet. Alors, ça touche à la religion, sujet ô combien escarpé, dira-t-on. Je constate avec étonnement que vous ne parlez presque jamais de la religion catholique. Et quand cela arrive, c'est uniquement pour descendre le Vatican et ses dernières dérives wokistes. J'aimerais que vous sachiez qu'il existe un courant de pensée, le cédévacantisme, qui rejette tout ce gauchisme crasse de la modernité. Pour résumer cela rapidement, les cédévacantistes sont des catholiques traditionnalistes qui estiment que le pape est un usurpateur, ainsi que ses prédécesseurs depuis Paul VI, et que c'est un imposteur à la solde de la franc-maçonnerie et des juifs. Et donc au service du mal avec un grand M. Ils sont généralement royalistes, font des familles nombreuses, sont très au fait de la question de la race, sont hostiles à tout ce qui vient de la République, de la franc-maçonnerie et des juifs. Ces gens sont de manière générale en meilleure santé physique et mentale que la majorité de la population, sportifs, cultivés, débrouillards, et ils tiennent des réseaux d'entraide communautaire blancs, dont le but est de faire survivre leurs valeurs, leur héritage culturel et leurs enfants dans un pays en pleine guerre raciale. Dans nos discussions, nous abordons les mêmes sujets que vous lors de vos émissions, il est régulièrement question de faire de gigantesques barbecues. Le concile Vatican II, mis en place dans les années 60, est en effet imbibé de gauchisme et insulte la foi catholique, j'y joue un peu plus, ainsi que le font ces prêtres collabos 68ards qui prônent tous les dimanches l'accueil des pauvres petits réfugiés éplorés et font la promotion de cet arrêt de LGBT. Ainsi, merci de ne plus mêler les authentiques catholiques à toute cette clique d'hérétiques satanistes qui mériteraient de cramer en place publique. Les églises du Concile Vatican II se vident, mais nos discrètes petites chapelles de résistance sont pleines à craquer et continuent de se remplir. Homme blanc, toi qui as le devoir de prendre soin de ton corps et de tes proches, n'oublie pas le salut de ton âme, Dieu est la vérité et la vie. La guerre a commencé, le fascisme est un outil intéressant, mais la réponse se trouve dans la prière. Premier sujet. Il a d'autres choses à nous dire, mais voilà, premier sujet. Alors, catholique, cédévacantiste, traditionnaliste. Alors, bon, j'aurais des choses à dire, mais je vais tout de suite me retourner vers mes participants. Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ce sujet? Alors d'abord, on ne parle jamais de catholicisme, ou quand on en parle, c'est pour le critiquer ou le caricaturer, d'après notre auditeur. Enfin, a priori, c'est plutôt le silence qui l'étonne. En tout cas, c'est comme ça qu'il interprète. Alors, peut-être pas tellement la position du site, mais c'est plutôt vous, votre sentiment, comment voyez ça? Alors, pour ma part, je vais essayer d'être rapide sur la question. Bon, je pense qu'on en parle au gré des affaires qui se présentent à nous. On en parle peut-être justement pas non plus expansivement pour ne pas froisser certains de nos auditeurs comme l'auditeur présent. Parce que si on parle déjà, enfin c'est mon point de vue bien sûr, hein, mais si on parle surtout des catholiques liés au Vatican, c'est parce que c'est les plus nombreux, les plus visibles, ceux qu'on entend toujours dans la presse, etc. Je ne suis pas au fait justement de toutes les chapelles, comme on pourrait dire, hein. Ça m'a toujours fait penser un petit peu à ceux qui s'intéressaient à l'histoire de, par exemple, Warhammer, etc. Ils ont toujours des petits trucs bien spécifiques, bien à eux. Warhammer, ah bon. L'exemple me prend un peu de courage. Non, mais j'aurais plutôt dit les trotskistes, les trucs comme ça, c'est les différentes scissions de la scission. Les Warhammer, d'accord, pourquoi pas. Oui, c'est comme ça, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, disons, mais voilà, je trouve ça pas forcément inintéressant. C'est bien que l'auditeur voit ça comme quelque chose de central dans son combat, etc., qui se mêle au nôtre, visiblement. Mais quand je vois ça, je me demande si c'est des vacantistes qui se reconnaissent pas dans le pape, qui se reconnaissent pas dans le rite, qui se reconnaissent pas dans les valeurs, sont pas plus proches de ce qu'on appelait communément les parpaillots, qui sont finalement les protestants, c'est-à-dire de faire à peu près ce qu'ils veulent, de trouver une nouvelle liberté, de dire « oui, mais quelque part, nous sommes les vrais catholiques ». Peut-être qu'à vos yeux, vous êtes les vrais catholiques, sauf que dans le dogme catholique, c'est quand même le pape qui décide. Alors vous vous arrangez bien en disant qu'il n'est plus sur son siège. Bon, c'est une formule, une ritournelle, je ne sais comment appeler ça, mais voilà, en tant que tel, c'est très bien que vous ayez ça. Moi, je ne pense pas que la foi, même si elle est importante, soit primordiale, et que la croyance est plutôt matière personnelle. Je pense qu'il faut déjà sauver le peuple, on verra après pour la religion. D'accord, toi donc, tu te déclarais finalement assez indifférent à la question religieuse, c'est ce que tu veux dire en gros. C'est ça, je ne la mettrai pas autant en avant, disons. D'accord. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est croyant, donc évidemment, pour lui, c'est extrêmement important. Et d'accord, donc c'est bien d'avoir ton avis qui tranche. Jean, je ne sais même pas si Jean est croyant. Je ne sais même pas, d'ailleurs, de quoi ta sensibilité. Mais quand on entend ce qu'il nous dit, donc il y a deux choses, en fait. Il voilà, y a la pratique, la religion, etc., puis les fruits, en fait, ce que ça produit, ce que produisent leurs communautés. Ils disent, voilà, finalement, on a beaucoup d'enfants blancs, il y a un sentiment communautaire, c'est un lien, on est très opposé au courant général de la société, etc. Donc, l'air de rien, en pratique, on a des résultats tangibles. Voilà ce qu'il nous dit. Quand toi t'entends ça, ce courrier, qu'est-ce que tu dis ? Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec le constat. Après, en fait, c'est un sujet très compliqué parce que vous avez les catholiques. Il y a beaucoup de catholiques quand on écoute certains chez Civitas, par exemple, qui tapent sur les nationaux socialistes. Ils tapent sur Adolf Hitler en disant que c'était des petits moustachus excités selon la doxa habituelle. Et puis vous avez de l'autre côté de la barrière les gens qui sont un peu anti-chrétiens. Bon, je sais que il faut en connaître parce qu'ils sont pas si nombreux, mais vous avez les Himmlériens, les gens qui sont totalement anti-christianisme ou du moins qui vomissent tous les rites et qui disent que c'est une religion abrahamique qui vient du désert, qui a été fondée par Saint Paul de Tarse, qui ça n'a rien à voir avec la tradition indo-européenne blanche, que c'est un produit importé de l'extérieur. Et puis, effectivement, après, vous avez tous les débats, c'est des vacantistes, pas c'est des vacantistes, conciliaires, pas conciliaires, secte, pas secte, qu'est-ce qui est une secte, enfin. Malheureusement, vous en finissez jamais. Et je suis un peu d'accord avec ton introduction, c'est que pour moi, il faut prendre le fruit. Et le fruit qui m'intéresse, c'est est-ce que ça préserve notre race ? Est-ce que nous existerons dans 100 ans, 200 ans, 300 ans ? Et il s'avère que les catholiques sont une force qui permet de faire subsister notre race. Les forces, oui, les catholiques traditionnalistes, ceux qui font 10 enfants, effectivement, oui, ceux dont parle l'auditeur, plus que d'autres qui se prétendent plus athées, qui ont une vie plus dissolue, moins vertueuse que des catholiques qui se mettent en couple jeunes et qui ont 10 enfants, comme il en existe encore quelques-uns en France, pour lesquels j'ai énormément de respect. Et en fait, c'est tout le problème de décider. Alors moi, je suis national-socialiste plutôt hitlérien dans le sens où je pense pas qu'il faille vraiment trancher parce que on connaît l'histoire avec Himmler qui était peut-être tellement anti-catholique, anti-chrétien, qu'il faisait des fouilles pour essayer de retrouver des poteries pré-chrétiennes de l'Allemagne pré-chrétienne, pour essayer de d'excaver en fait une histoire, parce que tout a été perdu en fait. Ça c'est un des reproches qui est fait au catholicisme, c'est que avec la catholicisation au premier millénaire, la chute de l'Empire romain, il y a énormément de traditions païennes qui ont disparu parce qu'elles ont été détruites ou chassées par les chrétiens qui étaient relativement intolérant. Mais en fait, le vrai tableau dans l'affaire, c'est que ils ont aussi intégré énormément de traditions païennes. Par exemple, les feux de la Saint-Jean, c'est une tradition païenne. Sauter par-dessus des feux, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais la Saint-Jean, ça a été, disons, intégré dans le folklore. Il y a énormément de choses du folklore catholique qui sont en fait issues de traditions anciennes, ancestrales. Ce qui fait que des gens qui voudraient se rapprocher de leurs racines très anciennes, européennes, qui sont pré-chrétiennes. En fait, le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir, par exemple, ceux qui veulent se marier dans un mariage un peu plus païen que chrétien, et ben, c'est d'avoir un mariage catholique. C'est tout le paradoxe, en fait, de notre histoire de ces deux derniers millénaires. Donc, je pense qu'il y a des choses magnifiques dans le catholicisme qui viennent en grande partie de la tradition chrétienne, de la tradition raciale européenne. Après, ben, il y a effectivement une part abrahamique. Hein, quand on lit la Bible, il y a quand même l'Ancien Testament. Enfin, faut quand même s'accrocher. Hein, par exemple, l'affaire de Sodome et Gomorre, Lot s'en va de la ville avec sa famille, et enfin ses deux filles notamment. Et puis ensuite, ses deux filles décident de le faire boire et de coucher avec leur père pour avoir des enfants. Vous pouvez ouvrir l'Ancien Testament et lire l'histoire de Lot. C'est quand même c'est très actuel dans la communauté. C'est quand même costaud comme histoire. Hein. Pour des Européens qui se prétendent chrétiens et qui ne veulent pas refuser l'Ancien Testament, puisque le Christ a dit que ça restait valide. Bon, après, je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup de beaucoup de gymnastique vis-à-vis des Bien textes sûr. Anciens. Bien sûr. Et puis il y a aussi un message qui est un peu ambigu dans le Christ, de dépossession matérielle. Il faudrait se faire fi de tout un tas de choses du bas monde. Tout dépend toujours de la lecture qu'on a de ça. Il y en a qui disent que c'est d'un point de vue purement spirituel, mais d'autres, comme un certain Ben Klassen, qui a écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant, il me semble que c'est La religion éternelle de la nature, il dit que c'est une sorte de complot juif, le christianisme, même dans le Nouveau Testament, pour déposséder les goyes et les rendre un peu abrutis, un peu hippies. Et de permettre aux juifs d'assurer leur ascendant, parce qu'il y a tout un tas de valeurs cosmopolites, on va dire, dissolvantes dans le christianisme. Donc oui et non, en fait. C'est très très difficile de trancher dans toute cette affaire, parce que faut quand même admettre que les chrétiens catholiques traditionnalistes sont ceux qui font le plus d'enfants blancs, et c'est inévitable. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est qu'ils arrivent à se perpétuer, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même admettre, c'est que faire des enfants, c'est pas si facile, ça demande une certaine abnégation, un certain sacrifice, et ceux qui ont la foi ont plus tendance à aller dans ce sens-là et à accepter les peines et la douleur qui vont avec le fait de construire une famille, parce que c'est quand même construire un système complexe avec différents membres qu'il faut faire vivre ensemble, et ça tient souvent uniquement parce que c'est des gens qui ont le même sang. Mais ceux qui, par exemple, essayent de faire des utopies, mettre des gens ensemble, les utopies gauchistes, anarchistes, oui, sans lien biologique, oui. Sans lien biologique, se rendent vite compte que ça ne marche pas. Mais c'est pas pour autant que parce qu'on est de la même famille, ça va marcher. Il faut quand même faire de gros efforts. Donc le christianisme et la foi, comme il dit, la prière aide bien, parce que ben il y a un moment de communion, il y a un moment ensemble religieux qui relie les uns aux autres et qui donne des valeurs communes qui sont à mon goût, hein, quand on lit le catéchisme catholique, c'est quand même des valeurs avec lesquelles on peut être d'accord, hein. Je trouve que ça dépend à lesquelles, quand même. Ben par exemple les valeurs familiales, la suggestion de la femme au mari, bon bah oui. Qui n'est plus d'ailleurs appliqué. Hein. Il faut savoir que dans les églises, normalement, c'est comme dans le monde musulman. Normalement, les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre. Hein. Non, ça devrait être comme ça dans les églises. Ça ne l'est plus, bien sûr. Oui, et puis ça prêche une certaine pudeur pour les femmes. Normalement, les femmes arrivent voilées dans l'église. C'est toujours le cas dans les églises orthodoxes. Oui, elles se voilent toujours quand elles rentrent dans les églises. Il y a un certain nombre de traditions qui ont été gardées du côté orthodoxe qu'on n'a plus chez nous, mais si tu enlèves tout un tas de saloperies égalitaristes et un ça va être compliqué parce que c'est un peu la base du message. Donc c'est là que ça devient compliqué, quoi. Oui, voilà. C'est un petit peu dans l'ADN du truc. Je pense qu'il faut la question de la religion. Bon, alors quand on aborde la question de la religion, on est d'abord sûr d'une chose, c'est qu'on va mettre absolument tout le monde en désaccord. Voilà, ça c'est le premier truc. C'est-à-dire que tout le monde, quoi qu'on en pense, parce que contrairement au siècle précédent, quitte à remonter jusqu'au Moyen-Âge, hein, là il y avait un consensus de fait sur le fait religieux, la religion, la façon de la pratiquer, les valeurs fondamentales de cette religion, etc., donc qui était le catholicisme à l'époque en France et en Europe. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas dans les faits. C'est-à-dire que, empiriquement, on constate que l'éclatement a eu lieu et que nous avons une myriade de personnes ou de groupes qui ont leur propre conception du fait religieux, que ce soit négatif, positif, et je ne parle même pas des différentes tendances, etc., et à l'intérieur des différentes religions, des différentes tendances dans ces religions. Prenons un exemple, aujourd'hui le fait chrétien en France est un fait très minoritaire, c'est un fait nouveau, historique, puisque le fait chrétien était archi-majoritaire en France jusqu'à une date pas si lointaine, et maintenant il est très minoritaire. Ceux qui s'identifient, vous savez, on pose la question, est-ce que vous considérez comme catholique, sont devenus minoritaires en France, c'est le dernier sondage dont on a connaissance. Il est paru il y a à peine quelques mois. C'est une véritable révolution. Ensuite, quand on s'intéresse au seul véritable sondage, qui est celui de la pratique, parce qu'on n'est jamais catholique par procuration, et ça je pense que ceux qui m'écoutent et qui sont catholiques traditionnalistes seront d'accord avec moi, là j'invente rien, on n'est pas catholique verbalement, on est catholique parce qu'on respecte les rites, donc on va à la messe en gros, et on n'y va pas une fois par mois, on n'y va pas une fois tous les trois mois, on y va toutes les semaines, voilà, un catholique est forcément pratiquant, sinon ce n'est pas vraiment un catholique, donc il doit pratiquer, et qu'en est-il de la pratique religieuse? On en est à 3% de la population française, donc nous sommes dans un fait marginal, et à l'intérieur de ces 3% qui pratiquent, il y a des désaccords profonds, par génération, etc. Vous avez effectivement des traditionnalistes, qui sont bien représentés par notre auditeur qui l'a exprimé, mais vous avez des gens qui sont beaucoup plus mainstream, on va dire dans la ligne, on va dire, de l'église officielle, établie, les évêques, etc. Et ils ne s'apprécient pas, mutuellement. Et vous avez même, et puisque notre auditeur est un cédévacantiste, il se retrouve en butte, par exemple, à des gens qui seraient des lefévristes, c'est-à-dire des gens qui sont des traditionalistes, mais reconnaissent quand même le pape dans sa fonction. Donc, imaginez-vous, vous êtes quelqu'un de l'extérieur, et vous vous intéressez au catholicisme, et vous dites, mais un cédévacantiste vous interpelle, il dit, viens chez nous, parce que chez nous, il n'y a plus de chef, c'est l'anarchie, on ne sait pas où on va, l'apocalypse s'approche. Personne va vous rejoindre. Vous n'avez pas la victoire de votre côté, vous comprenez? Alors vous allez dire, mais tu vois, c'est dans les écritures, il y a des prophéties, c'est bon, vous avez perdu tout le monde, ça marche pas. Donc, en fait, on est dans des querelles, etc. Et 97, 98%, 99% de la population vous a perdu. Donc, comment voulez-vous faire dans une situation aussi critique que la nôtre, où on en est à quelques décennies du chaos total pour essayer de dire, bah voilà, ça c'est la formule gagnante, ça va remettre en ordre la société. Personnellement, en tout cas, moi je ne le pense pas. Maintenant, je ne vais pas non plus ici... alors évidemment, les catholiques traditionnistes s'en foutent complètement de ce que je peux bien raconter, parce que bon, s'ils sont catholiques et pratiquants, bon, bah, ce n'est pas moi qui vais leur donner la vérité, c'est le Christ, c'est la Bible, etc. Donc ils s'en fichent. Mais je veux dire, je n'y crois pas. Voilà, je ne crois pas que ce soit l'Église catholique soit en mesure de regagner le terrain, ce n'est pas possible. Je pense qu'elle est vraiment... voilà, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Alors, dans toutes les fins de cycle, il y a une période d'interrègne où c'est le chaos, c'est les forces des chaînes, c'est les chocs, etc. Donc on est dans cette période-là, et je crois pas, enfin moi je vais pas vous dire ici il faut faire ci, il faut faire ça, ça n'aurait pas grand sens, mais ce que je constate, je vais quand même m'arrêter là-dessus, je constate quand même que l'Église catholique, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, et qui, bon bah n'en déplaise aux cédévacantistes, elle est quand même... universellement reconnue par le reste du monde comme étant dirigée par le pape François et avant lui Joseph Ratzinger, donc Benoît XVI, et avant lui Jean-Paul II, etc., etc., et bien que les positions de cette Église sont des positions qui sont radicalement incompatibles avec le devenir du monde blanc, le devenir du monde européen. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Les prêtres sont en voie de négrification accélérée. L'Église catholique, alors je vais dire officielle, utilise tous ses canaux, parce que c'est aussi un État, ne l'oubliez pas, c'est un État. L'Église catholique n'est pas qu'un courant religieux. C'est un État, il a une capitale, c'est le Vatican, il a un réseau diplomatique, un des plus puissants du monde, on l'oublie trop vite, il a des oreilles partout, etc. Et il utilise cette puissance pour submerger l'Europe de nègres. C'est une stratégie cynique pour essayer de remplacer sa perte de fidèles, qui lui font perdre donc son influence dans les sociétés européennes, par de nouveaux venus, par des nègres. Les musulmans font la même chose de leur côté, avec l'aide des pays du Golfe, etc. Donc tout le monde est en train de dévorer l'Europe, chacun de son côté. Moi, étant d'origine européenne et voulant sauver le monde blanc européen, ces attitudes sont des déclarations de guerre constituées et doivent donc rencontrer une riposte à la hauteur de l'agression. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas me mettre à dire du bien de l'Église catholique dirigée par le pape François. Alors, je ne sais pas spécialement les cédévacantistes, mais je veux dire, je constate. Donc pour moi, ces gens sont des nuisibles et je crois d'ailleurs que par le poids des usages, la droite réactionnaire française passe tout à cette vilaine Église catholique, notamment son soutien total à la submersion de l'Europe, à l'encouragement à l'envahissement. Voilà, on leur passe tout. Moi, je vois Dornelas avec ses yeux là, constamment éplorés, en train de nous sortir ces histoires. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut mettre le nez des curés dans leur merde. Je le dis comme je le pense. Bah Dornelas avait défendu la Jeanne d'Arc négroïde. Bien sûr. Quelques années. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, pour mettre de l'eau à ton moulin, moi je sais qu'il y a des prêtres traditionnalistes nègres. Et oui, ça existe aussi, ça. J'avais vu une histoire comme ça, il y avait un prêtre de chez Lefebvre, noir, qui s'était découvert, qui avait découvert en fait en cours de séminaire qu'il était une femme. C'était dans la presse, je blague pas, hein, ça arrive. Donc voilà, donc bon, écoutez, bon. Donc on est sur un phénomène spirituel qui intéresse les gens, ils ont la démarche qu'ils veulent, mais qui est ramené à la masse marginale, divisé profondément par différents courants, et je n'ai pas parlé des protestants, je n'ai pas parlé des évangéliques, j'ai pas parlé des orthodoxes, voilà. Donc bon, vous comprenez bien que ça n'est pas opératif. Si des gens s'y retrouvent, parviennent à ordonner dans leur tête les choses et à faire des gosses blancs et à vouloir foutre les bougnoules dehors, très bien, formidable, tant mieux pour eux. Mais moi, je m'y reconnais pas, je vous le dis, plus. Et voilà. Maintenant, je vais pas vous dire, voilà, il faut suivre cette voie spirituelle, ça. En tout cas, pas ici, pas comme ça, pas sous ce format-là. Je conserve pour moi ma sensibilité. Si je dois faire des choses, je les ferai différemment et je veux dire de manière assez discrétionnaire, mais je ne le ferai pas ici parce que ça ferait que de la division et c'est pas l'objet. On est quand même là pour s'intéresser, je veux dire, à l'ennemi qui nous menace et voilà quoi. Donc critique, c'est clair, mais pas très enthousiaste aussi, c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, pas non plus. Pas obsessionnellement, si vous voulez, possédé par la détestation de tout ce qui pourrait ressembler au quelqu'un qui se dirait catholique. Je veux dire, voilà, en d'analyse, moi, je vois qui tire sur qui, enfin, qui tire au sens figuré, quoi, qui est de quel côté de la barricade, voilà comment je le dirais, quoi. Donc, je ne perds pas de vue, évidemment, qu'il y a une haine des juifs pour l'Église catholique, mais en fait, qui est une haine recuite du temps où l'Église était puissante et interdisait, dans une certaine mesure, hein, quand même, parce qu'elle savait s'arranger aussi, aux Juifs certaines actions, c'est vrai, mais aujourd'hui, comment ne pas voir la mutation de l'Église catholique ou de ceux qui s'en revendiquent, en très souvent, en larbin des Juifs, au nom du judéo-christianisme, hein, et surtout à droite. Moi, je regarde dans la bande à Zemmour combien ne n'agitent pas leur croix en nous disant qu'on est les amis des Juifs. Bon, tout ça m'est étranger, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc moi. Oui, il y a un autre aspect, c'est que c'est interdit en théorie, si on est catholique, d'être raciste. C'est pas. Oui, je pense que ça a dû être clarifié au plan théorique, enfin théologique. Je pense que c'est interdit. C'est pas autorisé. Donc oui, c'est un péché. Et les nègres sont nos frères en foi. Oui, ainsi non, de suite. Moi donc, je crois pas. Non. Donc à ce rythme-là, ben oui, on se retrouve avec des nègres partout, hein, parce qu'ils ont une démographie, même si les traditionnels font 10 gosses, et ben les nègres ils en font. Oui, à ce jeu-là, tu vas pas l'emporter. Oui, c'est sûr. Ce serait bien si les familles françaises faisaient beaucoup de gamins, mais effectivement, là, tout de suite, là, à brûle-pourpoint, c'est un peu compliqué. Et puis, je veux dire, pour aussi un petit peu invalider ces histoires de déterminisme religieux, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de pays catholiques dans le monde en théorie, encore qu'il y en a beaucoup qui s'effacent, mais bon, si la religion ça faisait tout, le Congo serait une superpuissance catholique. Alors bon, bah, je regarde les réalisations du Congo catholique, c'est bon, ça fait, voilà. Donc est-ce que c'est vraiment ça qui détermine, ou est-ce que c'est plutôt le génie racial? Je pense que c'est quand même le génie racial, et si on trouve de grandes choses en France ou dans le monde blanc en général, enfin de grandes réalisations à tous les niveaux, artistiques, architecturales, etc., ou au plan de la pensée, c'est d'abord et avant tout à rechercher dans les potentialités raciales qui sont effectivement inscrites dans le code génétique, et pas dans un bouquin écrit il y a 2000 ans. Voilà. Et c'est aussi vrai du Coran, et c'est aussi vrai de n'importe quoi, tout bouddhiste, ou peu importe. Voilà mon sentiment. J'ai conscience que ça plaira pas, mais, enfin à tout le monde, mais en tout cas, c'est ma conviction. Voilà. Mais voilà, après, bon, moi, je m'en fous, après, moi, des convictions de quelqu'un, tant qu'il est du bon côté de la barricade, après, moi, je m'en fous. Hein. Voilà. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. De toute façon, c'est pas une question qui sera tranchée. Je veux dire, vous n'allez pas convaincre, vous n'allez pas faire sortir les catholiques de leurs convictions catholiques. Donc, je vois même pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est on va pas aller voir les catholiques, arrêter d'être catholique, ça sert à rien. Je veux dire, bon voilà. Donc, ça sert trop à rien. Je veux dire, en Allemagne, c'est ce qu'avait dit Hitler, parce que vous savez, là, il y avait la grande querelle entre protestants et catholiques en Allemagne. C'était très pénible entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. Hitler a dit, faut arrêter avec le Kulturkampf, quoi. Faut arrêter avec ça. C'est des trucs. Parce que lui était convaincu que c'était fini pour le christianisme. En fait, il dit, bah, arrêtez avec ce truc, ces trucs. Périmé, voilà, ça va se calmer tout seul. Voilà. Ouais, mais sa position était pas du tout agressive, c'est-à-dire il était passif, il pensait que ça allait finir tout seul et que il y avait rien à, enfin, il y avait pas Adolf de guerre Hitler à mener était, contre le christianisme. Adolf Hitler était radicalement antichrétien, mais en privé, c'est-à-dire qu'il s'abstenait systématiquement de faire des déclarations trop tapageuses là-dessus, même en fait il mettait un peu les formes, etc. Mais en privé, il vient de l'école catholique, hein. Il avait été élevé chez les curés. Hein. Et oui, sa mère était très très catholique. Elle allait à la messe. Ah oui, mais pas lui. Et il racontait comment il tournait en bourrique les prêtres qui à l'école. Enfin, c'est tout à fait c'est extraordinaire. Hein. Enfin, c'est marrant, je veux dire. C'est marrant. Hein, je veux dire, mais en fait, vous savez que la plus grande fabrique d'anticléricaux, ce sont les pensionnats de jeunes garçons catholiques. Tous les anticléricaux fanatiques que j'ai rencontrés dans ma vie venaient tous des pensionnats catholiques, absolument tous sans exception. Ils avaient été traumatisés par le pensionnat catholique, absolument tous. Ils sortaient tous de chez les curés. Et ça les a tellement traumatisés qu'ils en ont nourri une haine absolue de l'Église catholique. Alors nous, ça nous échappe parce qu'on ne vient pas de là, on ne vient pas de cette matrice-là. On n'a pas de compte à régler, si vous voulez. Mais moi, ceux que j'ai connus, ils avaient la dent dure, hein, contre l'Église catholique. Hein. Mais vraiment très dur. Hein. Très, très dur. Hein. Et certains sont allés vers le gauchisme. Donc, y a des gars comme ça qui sont allés dans le cinéma, c'est-à-dire qui ont réglé des comptes très durs avec l'Église catholique, et ils venaient de ça. Et j'en ai connu, moi, alors c'était plutôt ceux que je connaissais, ils venaient de ils étaient dans les courants néo-païens. Ils sont allés dans le néo-paganisme parce qu'ils ont été tellement traumatisés par leur expérience du pensionnat catholique, ils se sont complètement rebellés contre ça, quoi. Donc, voilà, c'est... Bon, c'est une discussion qui est sans fin. J'imagine que les points de vue qu'on a développés ici ne satisferont pas, bien sûr, des gens qui sont croyants et catholiques. Ils auront beaucoup d'objections à formuler. Mais bon, de toute façon, on ne pourra jamais mettre d'accord. Hein, voilà. Moi, je donne simplement ici mon opinion, et ça n'est que la mienne. C'est tout. C'est que la mienne ici. Voilà. Donc, c'est pas, je ne prétends pas avoir la science infuse. Hein. Voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la société telle qu'on l'a, avec des gens aussi déconstruits, sans plus aucun héritage de quelque nature que ce soit, et même chez les catholiques, moi je suis assez surpris de voir que la plupart des catholiques ne savent même pas qu'il y a la présence réelle dans l'hostie, par exemple. Alors que ça a justifié la guerre de 30 ans. Bon, je veux dire, quand on voit ce que ça a coûté en millions de vies... Je veux dire, même les catholiques sont pas à leur niveau, je veux dire, enfin, à leur historique. Bon, aujourd'hui, ils s'en foutent au Vatican, mais je veux dire, voilà. Donc, tout ça m'amène à une certaine prise de distance personnelle. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, moi, je rajouterais simplement que, sur le papier, voilà, je l'ai dit, je suis pas contre cette initiative, parce que je pense que l'initiative religieuse est essentiellement personnelle. C'est pour ça que je suis pas plus en faveur, par exemple, des néo-païens, que je trouve par certains aspects assez ridicules, mais c'est pas parce que, disons, en fait, ce qui me gêne dans cette démarche, c'est que c'est pas parce que vous êtes dans cette démarche que vous serez vertueux, etc. J'ai connu aussi des traditionnalistes qui couchaient avant le mariage, ce genre de choses. Bon, ben voilà, ils seront peut-être rejetés de leur groupe ou quoi que ce soit, on me dira « oui, mais c'est pas vraiment ça ». Comme tu l'as dit, Gandalf, on n'en finit pas. Donc c'est pour ça que moi, le combat est vraiment aussi, ce que vous avez dit tous les deux, hein, le peuple, la race, etc. Et après, on verra le religieux si on a envie. Mais déjà, quand on sera entre nous, ce genre de questions pourront être abordées au lieu de créer des divisions avant. Oui, je crois. Enfin, je veux dire, chacun voit midi à sa porte, mais il n'est pas nécessaire... de cultiver excessivement les divisions, mais ce n'est pas pour autant, et c'est mon point de vue, qu'il faut fermer les yeux sur ce qui se passe non plus quand il y a des gens qui sont nuisibles. Et je pense aujourd'hui que l'Église catholique officielle, mainstream, appartient à la coalition ennemie. Et en ça, c'est vrai qu'on se distingue, parce que en fait, il y a, vous savez, comme il y a quand même la pesanteur des traditions, etc., et on veut pas froisser justement la vieille droite catholique, vous savez quoi. Qu'on a déjà beaucoup pris sur le rab avec les juifs, parce que ils ont mauvaise presse quand même avec les juifs, quoi, les catholiques à l'ancienne. On disait ça, on parlait de Clavier, des films justement, le vieux français catholique qui se fait traîner dans la merde, etc. Donc c'est vrai que t'as un peu le sentiment un peu désagréable, si tu veux, d'être un pour le coup, d'être du mauvais côté de là-bas, mais en fait, non, parce que il y a une telle inversion qui a eu lieu que maintenant, en fait, quand tu veux foutre, c'est ce qui s'est passé cette semaine, là, j'ai oublié, je crois que c'était à Briançon, quand l'État, je veux dire, quand la République, pour une fois, veut foutre une clique de nègres dehors, putain, c'est le curé qui arrive en disant je les fous sur un terrain qui appartient à l'Église. Bon, vous comprenez bien qu'on n'a pas affaire exactement, on a un problème, et en Italie ils ont le même problème, c'est-à-dire que les plus grands passeurs sont les curés de Bergoglio, etc. Donc on peut pas non plus fermer les yeux là-dessus. Alors à droite on le fait pas, dans les médias de droite on va pas le faire, parce qu'on va dire on va pas froisser quand même un certain électorat ou une certaine audience, voilà, ça froisse beaucoup. Moi je préfère être honnête. Nous, on en a rien à cirer, on est déjà tellement censurés. Alors, rubrique suivante, la salle juive de la semaine. Bon, pour tout dire, elle avait déjà été élue salle juive. C'est Kahina Pahalul. C'est moche comme nom, hein. Putain, la vache. Alors, en fait, bon, c'est un sketch. Et là, je lis Valeurs Actuelles. Ça met un peu d'eau à mon moulin, hein, quand je dis que je suis un petit peu catholico-sceptique, en raison notamment de l'enjugement effrayant des masses catholiques aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus tous les amis des juifs, quoi, les catholiques. En France, je sais pas ce qui s'est passé, donc, ils étaient tous ultra-antisémites sous l'affaire Dreyfus, et maintenant, c'est tous les amis des juifs, quoi. Et Zemmour enfonce le clou. Tu vois, c'est quand même aussi... voilà, et personne ne hurle, quoi. Enfin, sauf, oui, quelques petites organisations, quoi. Je veux dire, oui, Civitas, ils sont pas dans cette ligne-là, par exemple, mais Civitas... ils sont très marginaux. Imaginez, Civitas, ils sont... est marginal dans l'environnement du catholicisme un peu de droite. Et ils sont tous chez Zemmour. Donc, comprenez bien aussi que... pour des gens qui ont un problème avec les juifs, ça soit non plus, ça soit pas extraordinaire, vous voyez, il faut le comprendre aussi, ça. Alors, donc, j'en reviens à ma Karina Belloul, qui est citée par Valeurs Actuelles. Alors, je précise quand même en introduction pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, c'est une juive, hein. Elle est d'origine juive polonaise, par sa mère, par sa grand-mère maternelle. Donc, au regard de la loi juive, religieuse et raciale, elle est juive. Mais elle n'est pas présentée comme ça, et certainement pas par Valeurs Actuelles. Alors, je vous livre l'article de Valeurs Actuelles. Vous êtes, imaginez, vous êtes un mec lambda, vous allez chez le docteur. Votre docteur, il est un peu de droite. Et vous savez, le docteur, il met toujours des magazines sur la table. Je ne sais pas si vous savez. Puis, quand ils veulent faire passer un peu des messages, les docteurs, ils mettent certains magazines plus que d'autres, quoi. Tu vois, genre, t'as un peu Valeurs Actuelles qui peut traîner un peu à côté de Libération, tu vois ce que je veux dire. Bon. T'as un mec là, c'est bon, t'attends 40 minutes que ce soit ton tour. T'ouvres le truc, tu tombes sur l'article. Tu sais, t'es pas politisé, tu connais pas les détails. T'ouvres le truc et tu lis ce que je vais lire là. Depuis l'annonce de l'interdiction de l'abaya par le ministre de l'Éducation Gabriel Attal, les réactions pleuvent. Ce long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps cristallise de vives tensions. D'aucuns arguant qu'il n'a strictement rien de religieux. Invitée de l'émission C'est dans l'air sur France 5, la première femme imam de France, Karina Belloul, estime, elle, que l'abaya est un projet politique. Donc voilà pour le pitch. Face à la recrudescence du port de cette tenue dans les établissements scolaires, Karina Belloul met en garde les jeunes filles qui souhaitent s'en revêtir. Il y a des idéologies qui veulent influencer des jeunes femmes musulmanes, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'abaya est le signe d'un endoctrinement et le signe de l'arrivée d'idéologies de l'islam politique. Un des fondements de l'islamisme politique, c'est le contrôle du corps de la femme, a encore souligné la première femme imame de France. Je cite Valeurs Actuelles. En ce sens, Karina Belloul salue la décision d'interdire le port de l'abaya à l'école. « Il faut être ferme sur cette question », a-t-elle assuré, précisant qu'il s'agit bel et bien d'une atteinte à la laïcité. « Qu'on porte l'abaya dans la rue ou chez soi, pourquoi pas ? Mais dans notre pays, nous sommes une démocratie. Il y a des lois », a renchéri l'imam. Donc je précise que dans C'est dans l'air, elle est en chemisier. Hein. Voilà. En fait, tu la vois dans la rue. Bref. Karina Belloul fait régulièrement entendre sa voix, nous dit encore Valeurs Actuelles, pour protester contre l'avancée de l'islamisme en France, mais aussi en Iran. Ah. Non, c'est... bizarrement, n'est-ce pas ? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite ? Un musulman qui s'oppose à l'avancée de l'islam, c'est toujours fabuleux, ça. Surtout quand elle est juive. Hein. Alors, où oui, l'État... c'est le monde magique. oui, c'est le monde magique, les juifs. Hollywood, hein, c'est Hollywood, hein, tu vois. Alors, où l'État multiplie les mesures répressives contre les femmes. Dans une tribune publiée dans Le Monde en 2022, hein, Le Monde, oui, c'est vrai. Celle-ci avait notamment exprimé son soutien total aux Iraniennes, oui, ça coûte pas cher, qui ont manifesté après l'arrestation de la jeune Mahsa Amini, par la police des mœurs du régime. Oui, mais en France aussi, il y a une police des mœurs. Donc voilà, bon, bref, le souk juif. Alors, en complément, messieurs, Gilles William Golnadel, avocat de droite. Un peu juif. mais avocat de droite et patriote. L'aiguille d'or est juif ? Oui, un peu, oui. Plébiscité par tous les hommes qui comptent à droite en France, réagit à cet article. Et il dit ceci, comme quoi, et comme je l'ai toujours soutenu, un islam libéral est non seulement possible, mais il existe. La rance insoumise, repoussée encore plus loin dans le camp des islamistes. Alors, en fait, c'est des juifs qui causent entre eux, et ils sont au théâtre. Chacun a un rôle. Donc, t'as Kaina qui joue la femme imam, t'as le Golnadel qui joue le commentateur avisé, et puis là, t'as Robert, il est dans le public, tu vois, donc devant sa télé, il regarde et il applaudit. Parce que tu vois, Robert, il sait pas que les uns et les autres, c'est des juifs, en fait, qui jouent leur jeu racial, et il capte pas. Et en fait, c'est vrai que quand t'es un gros normie de droite, mais tu sais, genre, tu sais même, enfin, tu sais, t'as vu la liste de Schindler, t'as cru que c'était vrai, quoi. Tu sais même pas que Golnadel est juif, ou alors t'as vaguement entendu, en plus, mais tu t'en fous, parce que même si tu le sais, il dit que c'est ton pote. Donc en plus, il te dédouane du tampon nazi, dont t'as très très peur. À côté, t'as Kaina qui dit « Oh putain, quand même, là, les bougnoules, on en a marre, tu vois. » Elle dit « Oh putain, j'ai trouvé une arabe, elle aime pas les bougnoules, super, génial. Waouh, putain, c'est super, oh !»« Ah ouais, ah bah ouais, c'est vrai, la République, c'est quand même génial, quoi. Putain, là, il faut lutter contre l'extrémisme religieux musulman. Ah ouais, bravo, je soutiens. Bon. Je sais plus ce qu'il faut faire, moi. Je sais plus ce qu'il faut faire en France. Alors, ça va que j'aime pas les bougnoules, parce que là, sinon, moi, je me convertis à l'islam, quoi, tu vois. Juste pour les faire chier. Non, mais c'est quoi que c'est que ça? Moi, je lui donne la parole, mais là... Bon... Non, mais ce qui est bien, justement, avec Monsieur Aiguille d'Or, c'est que c'est une aiguille d'or dans une boussole qui nous montre la voie du Levant. C'est simplement qu'il faut s'orienter à l'opposé pour être sûr de pas se tromper. Puisque, bah, c'est ce que tu as dit, finalement, voilà, le bon islam de France, hein, ils ont réussi, d'ailleurs, félicitations, ils ont réussi à trouver l'islam de France, un islam libéral, comme il dit, le bon islam... Le bon islam de France, bah, c'est une juive. Le bon nationaliste, bah, c'est un juif. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon pour eux, c'est les juifs qui l'ont fait. Merci aux juifs de contribuer autant à notre pays. Hein. On voit la face qu'il prend et on en est vraiment très heureux. Le projet a l'air de fonctionner. Donc, non, voilà, c'est. Alors, petite mention aussi au fait que Kaina Bahloul. Fait entendre sa voix, mais encore une fois, je pense que c'est grâce à ses co-religionnaires, ses véritables co-religionnaires, pardon, qu'elle peut faire entendre sa voix quand même. Toi, tu crois que c'est de l'astroturfing, toi? J'ai un petit doute, mais Zemmour, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, comment dire, du judéo-christianisme, etc. Zemmour enfonce le clou, bah oui, comme les juifs pour la croix de Jésus. Ouais, c'est ça, j'allais le dire. Mais comment dire oui, j'ai envie de dire l'islam libéral représenté par une femme imam. Combien de divisions pour reprendre le mot de Staline. Bon, bref. Jean, islam libéral, est-ce que comme Golnadel, t'as toujours cru qu'il y avait un islam libéral en France? Ah bah oui. Oui, oui, c'est le grand projet, c'est les déimurges de la République. Ils vont nous faire des musulmans pas musulmans, des bougnoules pas bougnoules. Il y en a beaucoup quand même, des bougnoules pas bougnoules. Des couteaux sans lame. Il y en a beaucoup hein, quand même, hein, je veux dire. Non, mais tu sais, des bougnoules républicains, des harkis, là. Oh putain, ouais, ouais. Sur CNews, il n'y a que ça, je veux dire. Ben oui, mais c'est des Français, c'est ça la France. Ah, mais ça, oui, je sais. Mon cher monsieur. Oui, je sais. C'est des gaullistes, donc ils sont plus français que toi. Voilà, c'est fait. Non, mais c'est fabuleux parce que le projet, c'est. En fait, on essaye d'importer un maximum de musulmans. D'en avoir partout le plus possible, mais par contre on veut pas qu'ils soient musulmans, ça c'est non, ça on veut pas ouais. qu'ils aient leur mode de vie, on veut pas qu'ils puissent voiler leurs femmes, vivre leur religion aussi pourrie soit-elle, aussi détestable soit-elle à nos yeux, Mais c'est quand même assez délirant. Évidemment que, ben, comme c'est en plus des gens qui n'ont pas un très haut QI, ça va les énerver, ils vont exploser. Et bon, là, j'ai vu sur les réseaux sociaux les réactions des musulmans, c'était plutôt de dire que ce pays leur est hostile et qu'il faut vite partir. Bon, je pense pas qu'ils vont être très écoutés. Non, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est plus des déclarations d'intention, mais qui vont pas être suivies des faits. Non. La charia, c'est bien, mais la CAF, c'est mieux quand même. je veux dire. Ouais, quoi qu'on pourrait peut-être s'arranger. Les musulmans votent avec leurs pieds, et t'as qu'à remarquer qu'ils remontent quand même plutôt vers chez les koufars qu'en sens inverse. Ouais. Donc, musulmans, mais pas trop quand même, les musulmans, hein, je veux dire. Ouais. Enfin, les sales koufars qui les colonisent et qui les oppriment et qui ont un système très raciste qui les empêche de s'élever socialement. Mais on n'arrête pas de les empêcher de s'élever socialement. Hein. Voilà. Je passe ma vie à ça, moi. Donc, en fait, je me demande comment ça va se finir pour cette chère imam, parce que c'est le genre de truc qui fait péter un câble à des musulmans, ça. Que parce qu'en fait, la vie. Moi, je sais rien, parce qu'en fait, si on avait son adresse, on découvrirait qu'elle habite dans le 16e et qu'il se passe rien, quoi. Je veux dire que, voilà, enfin, c'est, voilà. Et non, qu'elle a probablement deux frigos chez elle. Oui, je pense qu'il y a un petit Shabbat. Je suis même, non, vu son allure, hein. Alors, je sais qu'ils s'arrangent avec leur truc, mais... elle a l'air d'être très libérale au plan sexuel, si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent la lesbienne, quand même. J'ai pas été trop voir, mais... C'est la prochaine étape de l'islam libéral. Non, mais tu sais, les copains avec la femme rabbin, ça c'est extraordinaire aussi. Ah oui. Orweiler, qui est devenu une référence intellectuelle en France. Alors tu sais, c'est marrant, c'est Le Point, Le Monde, L'Express, elle fait autorité. Elle arrive comme ça, et en fait, elle fait autorité pourquoi chez, parce qu'il faut aussi dire que chez les Blancs, il y a quand même un max de cons, quand même. Il y a un max de gogol, quand même. Si tu mets un rabbin, tu sais, genre avec son chapeau, ses papillotes, et tout le monde part en courant. Mais vraiment, tout le monde part en courant. Je veux dire, même un mec qui n'est pas antisémite, il part en courant. Parce qu'il, tu sais, il y a un réflexe qui est, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est ça. Mais tu sais, tu mets une espèce de minette là, tu vois, elle est pas très belle, hein, mais je veux dire, elle est pas non plus totalement hideuse, tu sais, elle est pas, voilà, c'est ça. Mais ouais, oui, je suis une femme rabbin, alors, machin, tu sais, elle parle de, c'est Elle, quoi, tu sais, le magazine Elle, quoi, c'est les conseils psycho de Elle, quoi, tu vois. Elle dit, oui, alors la profondeur, enfin, toutes les conneries de conférences de bonnes femmes, je sais pas, vous avez déjà écouté des conférences pour bonnes femmes? Sur le sens de la vie, sur le truc. Il faut le faire. Hein. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de fond. Et les femmes s'en foutent qu'il n'y a pas de fond. Elles écoutent des mots qui s'enchaînent et c'est la musique des mots qui les fait se sentir mieux. C'est les femmes savantes de Molière. C'est la musique des mots. Elles s'en foutent du sens des mots. Les hommes, au contraire, se foutent de la musique des mots. Ce qui les intéresse, c'est le sens des mots. Intéressant. Eh ben, c'est pareil. Donc, en fait, à la femme rabbin, elle est là. Oui, alors le sens de la vie. Et alors, les deux. Je ne sais pas si à la ville, elles couchent ensemble, mais moi, je me pose. Orvilleur et Baloul, moi, je me pose vraiment là. Je pense qu'elles ne sont pas axées. Hein. Moi, je pense qu'elles ne sont pas axées. De toute façon, elles fréquentent la même synagogue. Ça, c'est clair. Bref. Et voilà. Et alors, on nous fait le jeu comme ça. Donc, en fait, alors, on nous dit non, mais il n'y a pas que les juifs à papillotes, arrêtez là. Il y a aussi un judaïsme libéral. Alors, c'est vrai, par contre, que les juifs orthodoxes, quand ils voient la. Quand ils voient leur vieur, bon, je pense qu'ils doivent un peu s'étouffer, parce qu'ils doivent se dire « Ouais, non, mais attends... » Parce que la tradition juive orthodoxe est très patriarcale, je veux dire. C'est pas les nanas qui donnent le ton dans les communautés juives orthodoxes, hein, je suis désolé, quoi. Bon, donc elle est là, elle fait sa minette sur les plateaux, etc. Parce que les juifs, par ailleurs, entre eux, genre, vous savez, les rabbins philosophes, là, comme Enthoven, ça, ces gens-là, ils aiment pas la religion juive, au sens, ce que je veux dire, l'observance, ils aiment pas du tout, ils sont pas religieux, si vous voulez, c'est des mauvais juifs, comme ils disent, je suis un bon juif, je suis un mauvais juif, c'est exactement ça, ils sont comme ça, donc ils aiment pas trop, vous voyez, les trucs rigoristes et tout, donc les femmes rabbins, ça les met à l'aise, parce qu'en plus souvent ils sont bisexuels ou trucs comme ça, donc là, si vous voulez, la morale originelle du Lévitique et compagnie, c'est pas du tout leur soupe, quoi. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. Ils passent leur temps à se tirer dans les pattes entre eux, mais pas devant les goy. Enfin bon, voilà, donc tout ça pour... Alors, abrégeons, la baïa, vous en pensez quoi? Est-ce que ce serait... je vais pas poser les questions où il y a la réponse à la question. Vous en pensez quoi? Bah, pour ma part, on l'avait évoqué dans une précédente émission, moi je vois ça comme quelque chose de positif. Je sais que pas mal de personnes se félicitent quand même en disant « Oui, mais tant mieux, ça permet de leur montrer qui est le patron sur le territoire ». Je trouve de l'analyse limitée. Pour moi, je la comprends, mais je préfère en fait qu'il y ait une distinction franche qui se mette entre eux et nous, et les vêtements participent de cette distinction. Donc, c'est toujours pareil. C'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de pas forcément très très utile, et ça nous fait pas plus avancer en fait. Le seul intérêt, c'est que ça permet de prendre un petit peu le pouls sur la présence et la puissance et les volontés expansionnistes des populations concernées. En fait, la question, c'est est-ce que c'est un vêtement ethnique ou un vêtement religieux? Et je crois que le débat, il est tourné un peu de ça, autour de ça. Les musulmans disaient c'est pas un vêtement religieux. Bon, c'est un peu de la mauvaise foi, bien sûr. Mais ils disaient non, c'est pas un vêtement religieux, etc. Et, okay, et ce à quoi répondaient certains, bah alors c'est pas islamophobe. Vous voyez? Bon, on tourne autour du pot, tout le monde fait semblant de pas se comprendre, etc. Donc typiquement le genre de débat à la con. Mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est un vêtement ethnique ou est-ce que c'est un vêtement religieux? Et si c'est un vêtement ethnique, pourquoi l'interdire, si ce n'est pour des raisons ethniques, auquel cas on pratique la discrimination ethnique? Donc vous voyez, là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Jean, alors évidemment, c'est comme le burkini, le débat à la con. Je dis tout de suite mon avis là-dessus. Bon, de toute façon, si vous avez fait un peu le tour des réseaux sociaux, etc., vous allez voir que parce qu'ils ne font pas les preuves non plus pour plus cons qu'ils ne sont, je sais qu'ils ont une couche, mais quand même, les musulmanes qui ont envie de porter des vêtements, on va dire, qui... Alors, je sais pas, parce que certaines musulmanes complexes, parce qu'elles sont obèses, ok? Faut aussi le dire. Ou alors parce que le regard de leurs propres, les gens de leur communauté, sont très pesants, parce que, faut pas rêver, hein, les bougnoules et les nègres, c'est des gros lourds, hein, je veux dire, c'est rien de le dire. Hein. Donc, et d'abord et avant tout dans leur communauté, parce que si on dit, putain, ils harcèlent les blanches, rassurez-vous, ils harcèlent aussi les maghrébines et les négresses. Hein. Bah, comment ça, c'est pas ce que m'a montré la dernière campagne anti-discrimination de l'État français? C'était que des blancs qui harcelaient des pauvres filles arabes. Comment ça, ils ont menti? J'ai vu un truc dans l'Est républicain aussi, comme ça, c'était des whites qui attaquaient une basanée. Enfin, voilà, alors, vraie question, vêtements ethniques ou vêtements religieux, vous allez me dire... peut-être un peu les deux. L'attitude de l'État, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Et finalement, les commentaires qui sont venus autour en fonction des uns des autres. Alors Jean, toi, quand tu vois ça, bon, j'ai ton premier sentiment, j'en ai déjà une idée, mais peut-être qu'en poussant un peu plus loin, est-ce qu'il y a du négatif, du positif? Est-ce que ce genre de débat à la con a quand même une vertu, peut-être, qui nous échapperait ou pas? On tortille pour savoir comment est-ce qu'on va s'accommoder de la présence des bougnoules sur notre sol, et comment est-ce qu'ils vont s'habiller, est-ce que leurs femmes vont pouvoir faire les putes ou non, est-ce que elles peuvent s'habiller religieusement ou non. Enfin, c'est pénible. Puis il y a aussi l'aspect fourbe des maghrébins qui vont aller derrière fouiller dans nos textes de loi et dans je ne sais quoi, et puis ils vont te mettre ça, le petit sourire en coin, mais regarde, c'est toi qui respectes pas la loi quand t'es pour cette faveur. Enfin, c'est très juif, ça, comme façon de faire. Mais vous avez vu là dans la Torah, là, il y a écrit ouais, ouais. Mais c'est fatigant, puis c'est vraiment de l'énergie, du temps perdu, ouais. Intellectuellement. Gabriel Attal a su ce qu'il faisait, on est d'accord, c'est une bonne stratégie, je veux dire, d'enfumage. Oui, bah, c'est ce qu'ils font tout le temps, c'est la technique habituelle de la Macronie, c'est de faire des écrans de fumée en permanence, et de faire parler les gens sur des sujets qui n'ont aucun intérêt. De toute façon, il y a une règle très précise en France depuis quelques décennies, c'est que soit ce dont on vous parle n'a strictement aucun intérêt, soit c'est faux, soit on vous ment. Donc, mais sur ce sujet-là, il y a des gens qui vont te dire non, mais au contraire, c'est très important, nos valeurs, la façon dont on s'habille, etc., le corps de la femme, tout ça. Ils vont te dire c'est très important, c'est pas du tout un sujet secondaire ou un truc qui n'importe pas. Tu réponds quoi à ça, toi? Ben, je réponds que c'est des bougnoules, ils vont faire les bougnoules, puis c'est tout, ils vont mettre ce qu'ils veulent sur le corps de leur femme, on n'a pas à policer ces gens, ils ont le droit quand même de décider que leur femme s'habille de telle ou telle manière. Pas au regard de la loi de la République. Hein. Ils te disent, c'est des citoyens français ou françaises, les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent, leur communauté, on peut leur dire, enfin, les hommes de leur communauté, on peut leur dire comment elles s'habillent, tu vois, on va te dire, c'est pas du tout secondaire, tu réponds quoi, toi, à ce jargon un peu... Mais qui a cours à droite, excuse-moi, Mais ça, c'est dans les rêves. Ça, c'est dans les rêves. Ça n'a aucune application dans la réalité. C'est-à-dire qu'on peut pas foutre des flics. Déjà qu'on n'est même pas capable de policer les banlieues, d'empêcher les trafics de se faire en plein jour avec des caddies qui bloquent les routes, des barrages dans tous les sens dans les banlieues. C'est des vraies fortifications qu'ils construisent pour empêcher la police de rentrer. Et ils veulent empêcher leur beurette de s'habiller avec des vêtements amples. Non mais faut atterrir, la République est plus capable d'appliquer quoi que ce soit avec ces gens, et déjà ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis surtout, moi ça m'intéresse pas de les policer, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser ou dépenser la moindre énergie, on a des choses plus intéressantes à faire de notre côté que de s'intéresser à ça, enfin c'est vraiment la technique habituelle. Hein. D'accord. Oui, je rejoins ton point de vue, hein, bien sûr. C'est toujours pareil avec les juifs, en fait, c'est qu'ils veulent, ils veulent les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent l'immigration de masse, mais pas un groupe homogène, conscient de lui-même, qui soit capable de contester leur propre pouvoir. Et c'est ce qu'ils attaquent, c'est la force de la cohésion d'un groupe ethnique et racial, et aussi parfois religieux, parce qu'ils veulent avoir cet avantage comparatif par rapport aux autres. Donc dans la lutte raciale, les juifs veulent avoir l'avantage de la cohésion ethnique et raciale face aux autres. Donc évidemment ils appliquent la technique habituelle de la triangulation, c'est-à-dire il y a le méchant gouvernement, bon flic, mauvais flic, et puis il y a la gentille imam, et à la fin, ouais, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut arrêter, et ils essayent de créer des dissensions, ou du moins des fausses oppositions à l'intérieur de la communauté pour en fait diviser pour régner la suprématie juive permanente, pour s'assurer que déjà personne parle d'eux, parce que bon, c'est vrai, ils sont moteurs et personne parle d'eux, ouais, c'est absolument vrai, ça. Là-dessus les musulmans ont raison, c'est qu'on parle tout le temps d'eux, mais alors que les musulmans, c'est pas eux qui dirigent, c'est pas Abdelkader qui décide d'éborgner des gilets jaunes ou qui décide ce qui est bon ou pas en politique en France. C'est vraiment Moshe, c'est Gilles William Golnadel qui décide. Donc déjà, ça a cet intérêt-là. Et puis surtout, ben, ça leur permet d'avoir face à eux des gens qui, comme tu as dit, n'ont aucune cohésion. Donc quand tu as des gens qui n'ont aucune cohésion et que tu as un groupe très organisé et qu'il est même interdit de parler de ton organisation, du fait que t'as une conscience raciale, une conscience de groupe très forte, parce que c'est interdit de dire que les juifs sont organisés en France, rien que de mettre Macron avec Attali, de faire un dessin de Macron dirigé par Attali, c'est déjà trop. Donc rappelons que j'ai avalé son nom, la personne de Civitas, là, vous savez, proche de Civitas. Pierre Hillard, en fait, il s'est fait attaquer là-dessus. Il avait simplement fait un constat historique et c'était terminé. Donc, prononcer le mot juif, ça se passe mal, quoi. Hein. Bah, c'est un acte de mort sociale, du moins de. Ça, alors que musulman, on peut le dire tous les jours, quoi. Voilà, c'est un fait, je veux dire, je sais que dans nos milieux, il y a des trucs qu'on passe aux Arabes et aux Bougnoules, aux Nègres, enfin aux Bougnoules et aux Nègres, en termes de violence, etc., parce que c'est les médias de gauche et juifs, en fait, qui leur passent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la violence immigrée est encouragée par le système, contre les Blancs, mais paradoxalement, il est autorisé de tirer à vue sur les musulmans. Attention, il y a arabe, c'est la qualité raciale, ou noir, la qualité raciale, musulman, la qualité religieuse. Et vous avez qu'à remarquer qu'il y a une différence de traitement. On peut tirer à vue sur le musulman, il faut pas qu'il fasse ça, si ça. En revanche, sur l'arabe, etc., alors quand ils font manifestement des trucs absolument insupportables, là, non, mais vous comprenez, violence policière, etc. Donc on voit bien le traitement médiatique à deux temps. Et les musulmans, ils savent pas trop. Je pense que les musulmans sont assez déboussolés parce qu'ils savent pas trop. Parce que d'un côté, il y a un laxisme évident face à la violence immigrée. Et de l'autre côté, bah, quand il est question d'islam, visiblement, il y a carte blanche. Et ça, c'est un fait, quoi. Et je pense qu'ils savent pas trop sur quel pied danser, quoi, par rapport à ça. Ils sont comme d'habitude. À essayer de tirer un maximum de parti. Après, ils sont quand même cousins sémites, donc quand il s'agit de taper sur l'homme blanc, bien sûr, ils sont toujours copains, toujours d'accord. Hein. Oui, c'est vrai. Et là, d'ailleurs, en l'occurrence, ils voient ça une fois de plus comme une attaque de l'homme blanc et de ses règles et de sa pudeur religieuse contre eux, alors que les blancs, ils cherchent simplement à fuir les bougnoules, à ne plus être dans les mêmes établissements. Donc le fait que leur tenue, qu'ils portent des tenues traditionnelles ou pas, les blancs, comme ils veulent être entre eux dans des établissements de blancs de qualité, avec des bons professeurs où on apprend des choses, eh ben ça ne les concerne pas finalement. C'est une fois de plus une attaque du gouvernement juif, d'occupation juive sur les musulmans. Et ben le problème dans tout ça, c'est qu'on se retrouve systématiquement avec comme les victimes collatérales de la guerre que mènent les juifs contre tous les groupes raciaux du monde qui ne sont pas les leurs. Donc oui. Après on se retrouve avec des blancs qui se font tuer au Bataclan, ils vont nous dire qu'on est des sales couffards qui les empêchons de vivre leur religion, je sais pas quoi, alors qu'en fait on veut simplement pas vivre avec eux, on veut pas les voir, on peut pas les sentir. Donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur banlieue pourrie, on en a rien à cirer, qu'ils aillent dans leurs établissements à deux balles, c'est comme ils veulent. Nous on veut pas les voir. Par contre les juifs, non, les juifs ils veulent qu'on vive avec eux, ils veulent, oui, que les musulmans aient un droit inaliénable, irréfragable, comme on dirait en langage judiciaire, de vivre avec des blancs, d'être entouré de blancs. Donc ben il faut qu'ils trouvent tous les moyens de faire passer la pilule au type qui lit le Figaro ou Valeurs Actuelles dans la salle d'attente de son médecin, comme tu as donné l'exemple. Il doit penser, ce type là bah finalement on pourrait peut-être vivre avec les Arabes, parce que s'ils se mettent à vivre comme nous, à avoir les mêmes tenues que nous, l'assimilation, quoi, c'est ça le gros truc. Voilà, c'est toujours la même escroquerie. Ça marche vachement fort chez les boomers, ça. Les jeunes, ils sont pas dupes, parce que bah, dans leur expérience, ils voient... Enfin, comment dire. Bon, il faut que Marine Le Pen, déjà, ça serait bien qu'elle ait un accident d'escalier, parce que moi, je supporte plus. Mais elle existe, ça doit faire au moins 6 mois que j'ai pas vu d'intervention d'elle. Oui, alors vacances. C'est normal. Elle prend ses vacances au mois de mai, elle fait sa rentrée au mois d'octobre à peu près. Donc c'est à peu près ça. Et ensuite il y a les vacances, il y a Noël, et après il y a Pâques. Donc et puis après c'est mois de mai, donc on recommence. Donc c'est normal. Et puis en plus quand tu la vois, elle te parle de Mayotte. Donc en fait, et elle va à Mayotte passer boire du punch. Bon bref, comment dirais-je. Non mais c'est le truc, c'est qu'il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire que les allogènes qui arrivent en France, ils viennent pas pour être assimilés, ils viennent pour nous assimiler. C'est tout. Il faut le comprendre. Donc ils arrivent chez nous pour nous assimiler. Ils arrivent, ils ont leur religion, leur truc, machin, ils disent tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc faut arrêter avec ce truc, on va les assimiler. Déjà qu'on les a jamais assimilés quand on était à 100 contre 1. C'est quoi le discours là, ça va où ça, c'est quoi ça? Alors c'est confortable parce que ça n'engage à rien, parce que ça évite de parler de la question raciale, ethnique, etc. C'est très confortable quand t'es un politicard RN. Toi t'en cours aucun procès pour incitation à la haine, oh là là, c'est banalité, mais... On parle pas du problème. Donc voilà, donc en fait, cette démocratie représentative nourrit des parasites, notamment RN, à ne rien foutre. Pendant ce temps-là, la démographie, c'est son boulot, donc les mecs t'envahissent de partout. ils fixent sur le terrain leurs vraies conditions. L'État, bon, il n'en reste plus grand-chose. Parce que de toute façon, c'est des rombières, hein, t'as qu'à regarder. Hein. L'État, c'est de la bureaucratie, c'est des nanas dans des bureaux. Bon, les nanas, elles partent en courant. Donc voilà. Donc en fait, t'es livré pieds et poings liés à l'envahisseur. Ok. Bon, et ensuite, on arrive avec des débats à la con. Enfin, c'est Attal qui fait son petit numéro, là, l'homosexuel Attal qui fait son. Enfin, l'homosexuel juif, je précise. Fait son petit numéro pour occuper l'espace médiatique. Il n'en a rien à branler du reste ou quoi. Et il dit, on va jouer les durs, etc. La République ne va pas capituler. Tu sais, genre, tu vois, c'est le combat de la République, tu sais, c'est l'abaya, quoi. Tu sais, c'est genre, c'est le. Putain, ils sont envahis de bicots et de nègres. Et leur croisade, c'est. Putain, est-ce que Rachida, elle va pas porter un truc un peu trop ample, tu vois, au self? Mais, non, mais je veux dire, il y a des abrutis pour consommer ça. Et oui, il y a des abrutis pour consommer ça. Et on a Valeur Actuelle, hein, pour consommer. Et on a CNews pour nous vendre cette merde. Et voilà. Non, la lutte est raciale, ok? Et ils sont là, ils campent chez nous. Ils sont présents. Ils en ont rien à foutre de nos débats de merde. Et ils ont bien raison. Parce que c'est eux les patrons dans les villes où ils sont majoritaires. Et tu rases les murs, tu fermes ta gueule ou tu te casses. Voilà, point barre. Ça, c'est la vérité. Les débats à la con sur CNews et machin, c'est de la merde en barre. C'est comme les trucs avec... j'ai vu Lionel Jospin sortir de son cercueil. D'ailleurs, ça m'a fait très, très peur pour parler de Sarkozy. Sarkozy, pour une fois dans sa carrière, la première fois que Sarkozy avait dit un truc pertinent, il a dit qu'il serait pas mal d'essayer d'éviter une troisième guerre mondiale avec les Russes. Bah, il a un bouquin à vendre, il veut pas se faire planter dans ses librairies là, c'est vrai. Non mais qu'il puisse débarrouler comme ça dans les librairies. Je sais, ça rend fou ça. Je sais. On a vomi la semaine dernière sur lui avec Derrick, mais je sais. Mais bon, il dit un truc, t'as Jospin qui sort de son cercueil, il dit Sarkozy, salopard, etc. Bon, je fais le lien avec ce que je disais avec l'histoire d'Abaya. Le premier pépin qui arrivait en France, c'est en 89-90 avec le voile. Jospin était ministre de l'éducation de Mitterrand. Et donc Jospin a eu le plaisir de dire, on lui avait dit, mais la France islamise. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que la France islamise? Il a répondu comme ça. Hein. Il n'en a rien à battre, le mec. Maintenant, tout d'un coup, il découvre une âme de grand légataire de la tradition laïque ou je sais pas quoi. Quand on lui a dit, voilà, bon, d'accord, on va interdire le voile. Les nanas, elles sont arrivées, elles ont mis des bandanas. Donc en fait, elles sont couvertes. Et là, tout d'un coup, miracle. Ah d'accord, c'est bon. Donc tu vois, c'était les rabbins du ministère de l'Éducation nationale. Ils regardent leur règlement de merde et ils disent, alors tu vois, là, elle est couverte. Non, la mochée, elle n'est pas couverte. Mais si, elle est couverte. Regarde, non, c'est sur les oreilles. Non, c'est pas les oreilles. Voilà. Bon, alors, comment... D'accord. On fait comme ça, alors. Voilà. Donc en fait, tu vois, t'as Rachida, elle arrive, tu vois, t'as le bandana, il passe sur les oreilles, c'est un voile. Il passe au-dessus, c'est pas un voile. Putain, tu vois la gonzesse, elle est voilée quand même. Bon, c'est comme ça. Donc, avec la baïa, ça va être quoi? Comment ils vont la définir? Ça va être un truc, ça va être encore pareil, de l'exégèse rabbinique. C'est au-dessus, truc, la ceinture, elle est où? Bon, c'est les mecs dans les établissements, ils vont même pas vouloir rentrer dans ces discussions, parce que s'ils rentrent dans ces discussions, leur putain de bagnole parquée en face du lycée, elle va se faire cramer. On va lui expliquer qu'on va lui cramer ses chiens quand il rentrera chez lui, hein, d'accord, parce qu'il va pas faire 100 km entre son établissement et voilà, donc il habite dans la commune, hein, grosso modo. Donc, il va pas y avoir... On va lui rappeler au bon souvenir de Samuel Paty. Voilà, ils vont pas s'enthousiasmer beaucoup là-dessus, mais on va dire, voilà, tu sais, genre, t'auras une nana qui va avec une vraie abaya, tu sais, elle aura acheté je sais pas quoi, le truc, il viendra directement d'Arabie Saoudite, je sais pas. Bon, une, deux, trois. Les autres, ça sera des trucs wish, de merde, tu vois, voilà. Bref, voilà ce qui va se passer. Et on va dire, putain, et ce que tu auras, parce que tout le monde va attendre le résultat, et cet enculé de Attal, et excusez-moi, c'est une description, c'est pas un jugement de valeur, cet enculé de Attal arrivera le 1er octobre, ou un peu avant, probablement sur CNews d'ailleurs, parce que les Européennes approchent. Ils vont dire, là, monsieur le ministre, comment ça s'est passé? Très bien. Nous avons eu une cinquantaine d'incidents, d'accord. Les familles ont été... Ah bon? Oui, les familles ont été convoquées. Oui, et nous avons prononcé 3 expulsions d'établissements scolaires. Ah d'accord, et tout. Ouais, d'accord, oui. La République ne transigera pas. D'accord, ok. Les boomers aux anges, génial, putain. Macron tape du poing sur la table. Bon, toi, t'es juste un lambda, tu vis à Trappes, tu vis... à Argenteuil, tu vois, tu vas voir dans la sortie des trucs, c'est toujours le Moyen-Orient, il ne s'est rien passé, tu vois. Et en fait, les gens vivent dans une réalité parallèle, par les médias. Et CNews va jouer à fond le jeu. Faut arrêter avec Bolloré, ennemi du régime, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est Mélenchon qui alimente ce mythe. Non, Bolloré, il est exactement comme Drahi. Ils sont tous dans la gestion de la foule. Voilà, chacun a son cheptel. Et ils tondent leur propre cheptel. Alors, tu vois, t'as un média, ils tondent le public diversifié. Donc, l'enculé de Barthez, il va tondre son public de bobos de merde. Bolloré, il va tondre les cons de droite. Et tu vois, et ils tondent tous, les mecs, et ensuite, ils vont bouffer ensemble et ils rigolent. Je rajouterais simplement aussi, tu as évoqué les européennes, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'ils veulent pousser, c'est par rapport à leur loi immigration qu'ils veulent mettre en avant et dont ils parlent depuis des mois, et ça leur donne une fausse image de droite que d'interdire le vêtement religieux, et ça leur permet peut-être de vendre ça aux républicains en leur disant « Regardez, ralliez-vous à nous, comme ça on pourra faire des régularisations massives, mais à côté de ça, les symboles sont saufs, on est de droite parce qu'on a interdit l'abaya ». C'est simplement une piste, hein, mais je pense qu'il y a aussi du calcul politicien. Les gens vont me dire, mais pourquoi il fait ça, Macron, etc. Il y a les élections européennes au mois de juin 2024, c'est dans 9 mois, ils veulent limiter la saignée vis-à-vis du RN. Point. Barre. En démocratie, ne cherchez pas d'explications complexes. Il faut gagner la prochaine élection. Il n'y a pas de but. Enfin, le pourrissement est inscrit dans le système, donc ils n'ont pas besoin de se préoccuper d'une grande stratégie pour nous casser les reins. Ils ont juste qu'à ouvrir les vannes de l'immigration, ils le font très bien. Le truc, c'est comment gagner l'élection suivante. Bon, voilà. Là, vous avez le scénario. Ils vont taper sur les bougnoules. Les bougnoules, ils vont s'offusquer. Et Macron va leur dire, ouais, les gars, d'accord, vous offusquez, mais regardez, il y a Marine en face de vous. Marine, elle vous aime pas. Elle va vous mettre dans, elle va vous renvoyer dans votre pays. Alors, moi, je vous emmerde un peu parce que je vous dis, faut pas mettre la baïa le matin quand on va à l'école, mais ça va, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez quand même pratiquer le djihad. Donc ça va, je suis pas trop vache quand même. En plus, vous pouvez continuer à vendre de la dope. C'est cool. Donc, faites vos calculs. Vous préférez quoi, Marine Le Pen ou moi? Les bouillous, ils vont dire, ouais, bon, ok. Vaut mieux Macron quand même. Hein. Voilà. Voilà, c'est du théâtre, mais ça marche. Vous voyez, la démocratie, quoi. Donc, et vous embourbez, et ça marche dans tous les segments, je veux dire, c'est pas limité aux mecs de droite, aux mecs de gauche, mais ils jouent les uns contre les autres. Les juifs sont experts là-dedans, ils jouent les uns contre les autres. Et le Hatta, il a commencé ça, donc le Youth Hatta a commencé sa rentrée là-dessus, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savent que ça va faire causer, ça va noircir du papier, les gens vont s'écharper. Et ça n'entraînera rien, parce qu'on sait que ça va rien concrètement entraîner. Et voilà. Et malheureusement, et on est obligé d'en parler, parce que vous allez me dire, ouais, mais vous participez du problème, parce que vous en parlez. Et oui, parce qu'on est bien obligé. C'est en ça que les juifs savent faire. C'est qu'il y a quand même un problème racial, un problème d'invasion, un problème d'islamisation. Donc, vous voyez, Attal allume une mèche, mais c'est pas parce que c'est Attal qui l'allume qu'il n'y a pas une mèche qui s'allume et qu'il n'y a pas une bombe au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est-à-dire que les juifs n'inventent pas la bombe, elle est là. Mais eux, ils les allument. Et voilà. Alors, on reste, rubrique numéro 4, golémisation. En fait, on reste sur le ministère de l'Éducation, sous Attal. Donc, on sort de celui de Ndiaye, quoi, hein, Pape Ndiaye, mais qui est déjà sous contrôle juif, puisque Pape Ndiaye était marié à une juive. La fameuse Lazarus Mangin dont j'ai souvent parlé. Donc la machine reste bien entre des mains expertes. Et alors il y a eu un buzz. Alors c'est marrant parce que toute l'actualité, quand on voit toute l'actualité, de toute façon elle est autour de la race, de l'immigration, tout indirectement, hein, ou directement. Donc le clash dont on va parler là, c'est ça. La baïa, c'est ça. Il y a quantité de raisons, mais c'est assez drôle parce que on voit vraiment que la race conditionne absolument toute la, enfin, structure complètement la vie politique, sociale, française, quoi. Je veux dire, c'est tout à fait fascinant. Et paradoxalement, la question raciale est celle dont on ne parle pas. on parle jamais en termes ratio. On parle toujours en termes par euphémisme. Alors là, c'est, je pense que c'est une polémique que vous avez vue parce que ça a vraiment été remarqué. Donc, je vous lis l'article d'Europe 1. On va mettre aussi un extrait du clip. Hein. Mardi, le ministère de l'Éducation nationale avait publié sur Twitter une vidéo hommage à Martin Luther King à l'occasion du 60e anniversaire de la marche pour les droits civiques aux États-Unis. Rapidement, de nombreux internautes ont pointé du doigt le manque de diversité des jeunes adolescents qui apparaissaient dans la vidéo. Alors, je parlais d'euphémisme, diversité, c'est un euphémisme. C'est quoi ce langage? Qu'est-ce que ça veut dire? Diversité à quel niveau? Évidemment, diversité raciale. Mais c'est pas dit. Donc, c'est un clip qui met l'éducation nationale dans l'embarras, nous dit Europe 1. Dans une vidéo publiée par le ministère lui-même, 5 jeunes enfants, lauréats d'un prix, décrivent leurs rêves en anglais à l'occasion du 60e anniversaire de la marche pour les droits civiques aux États-Unis. Un clin d'œil à la célèbre phrase du discours « I have a dream » de Martin Luther King. Une vidéo supprimée après une déferlante de commentaires critiques. Pourquoi cette polémique? Alors, elle a été vue des millions de fois, hein, la vidéo. Hein, donc c'est quand même massif, on s'entend. Hein. Et donc, il y avait des gamins blancs conditionnés, manifestement, qui ont été exposés à cette vague énorme de haine raciale, parce qu'il faut utiliser les termes. Parce que c'est pas utilisé par Europe 1, mais vous avez remarqué, hein, c'est de la haine raciale. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, tous les collégiens filmés sont blancs de peau, nous dit Europe 1. Un élément qui a provoqué rapidement un bad buzz sur les réseaux sociaux. SOS Racisme a notamment déploré le choix des élèves dans ce clip et les internautes ont reproché au ministère une absence totale de diversité. Ils dénoncent aussi les propos récités par les enfants qui ne mentionnent pas l'égalité entre les différentes couleurs de peau. En aparté, est-ce que la race est uniquement une question de couleur de peau? Face à cette vague de commentaires haineux, le ministère de l'Éducation nationale a donc décidé de faire marche arrière et s'est justifié sur Twitter en invoquant le trouble suscité par la vidéo et la violence de certains commentaires à l'égard des élèves investis dans le projet et n'a pas manqué de rappeler que ce dernier a été tourné le 30 juin 2023, quelques semaines avant l'arrivée du nouveau ministre Gabriel Attal à la tête de l'Éducation nationale. Effectivement, parce qu'il y a une continuité dans le service, bien sûr. Alors, premièrement, la France, l'État français, le gouvernement français, célèbre un discours prononcé aux États-Unis sur une question sociale et raciale américaine du XXe siècle, qui est celle de l'orientation à emprunter pour les rapports entre les différents groupes raciaux et singulièrement entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis à cette époque. Et apparemment, c'est devenu d'actualité en France, ou en tout cas pertinent en France, au point de le lire. Première question, pourquoi est-ce devenu pertinent en France de lire le discours de Martin Luther King sur les rapports entre les races et entre les Noirs et les Blancs en France? Pourquoi? Première question. Deuxièmement, apparemment, la composition raciale des élèves qui lisent ce discours en anglais, bon, l'utilisation de l'anglais au passage, se pose la question, pourquoi en anglais, en France, ok, au niveau gouvernemental, bon, au passage, pourquoi c'est devenu un problème? Apparemment, c'est un problème. La justification, c'est que les élèves étaient menacés. Et que le ministère l'a retiré pour cette raison. Les élèves sont menacés, donc on les retire pour leur propre sécurité. Alors, je vous invite à réagir à ça. Alors, je donne des pistes de réflexion. Vous n'êtes pas obligé de rebondir sur les éléments que je donne. Hein. Vous pouvez vous-même vous pouvez aborder ce qui s'est passé par un autre biais. Mais voilà. Qu'est-ce que ça traduit d'après vous aujourd'hui en 2023 en France? Eh bien, moi, je dirais d'abord que ici, on parle de commentaires critiques et pas de commentaires racistes. C'est déjà assez révélateur de comment fonctionnent nos médias, c'est-à-dire que ils citent explicitement le fait que c'est la couleur de la peau, comme tu l'as relevé, hein, c'est toujours amusant de voir qu'on y revient à ce genre de choses, alors qu'on nous a toujours dit que c'était pas finalement important, mais bon, pour certaines populations, c'est très important. Mais quand il y a trop de blancs, eh bien, on a le droit de faire des commentaires critiques. Bon. Ça c'est le premier point qui justifie ça par enfin le retrait par la sécurité des élèves soit, mais voilà, moi je trouve que ça résumait bien Papen Jai. C'est un nègre qui s'est construit aux États-Unis, qui vit au diapason des États-Unis et qui est dans toute cette idéologie que j'avais vu émerger notamment lors des émeutes raciales de début juillet. Qui était que, par exemple, dans la presse mainstream des États-Unis, chez les anglo-saxons, etc., surtout de gauche, bien entendu, eh bien, il disait que la France avait un problème racial. Et Papen Jai a repris ce discours-là, mais quand, bien sûr, ils disent un problème racial, ils ne font pas le même constat que nous, c'est-à-dire que toute la pouillerie du monde est en train de nous envahir. Le problème, c'est les Blancs, oui, c'est ça, oui. Oui, il y a un problème racial, bien entendu, c'est le problème, c'est les Blancs, oui, c'est ça. C'est ça, les Blancs sont une caste privilégiée, c'est de leur faute s'il y a les émeutes quelque part. Une partie de la presse mainstream, faut vraiment s'y intéresser, étrangère, avait ce constat à la bouche. Donc, bon, moi, de toute façon, je vois la chose très négative, déjà, de reprendre cette espèce de Martin Luther King. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Oui, c'est un pasteur, en plus, c'est pas du tout dans la tradition française laïque, ça m'étonne, ça. C'est ça, c'est comme les collèges Rosa Parks, etc. Ah oui, ça nous envahit, ah oui, c'est terrifiant, ça, oui. Puis Sandrine Rousseau pourrait parler du fait qu'il cognait des prostituées blanches, je sais pas pourquoi elle reste silencieuse. On remerciera jamais assez la CIA d'avoir flingué Martin Luther King. La CIA a bien des défauts, mais pas celui d'avoir flingué Martin Luther King. En tout cas, oui, tout ça pour dire, voilà, ce genre d'affaire est toujours intéressant, puisque moi, j'ai noté aussi autre chose, c'est que, alors je sais plus si c'était évoqué, mais en gros, c'était des élèves qui avaient gagné un concours, enfin qui était peu... Donc voilà, ça me fait penser un petit peu à cette doctrine libérale de dire, voilà, pour éviter le racisme, il faut simplement prendre les meilleurs. Hey, mais les meilleurs sont toujours blancs, est-ce que c'est de notre faute? Donc voilà. Non, mais c'est truqué. Je te rappelle que les Noirs ont créé les pyramides. Donc... Un peu d'humilité, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'entendais souvent que les Noirs, comme ils parlaient plusieurs langages, ils étaient bien plus forts que nous. Alors, le fait qu'ils parlent des langages avec 200 mots dans chaque langue, bon, je suis pas sûr que... Non, mais on a volé la culture aux Noirs. Ah, on a tout volé, hein. Même mais tu sais, pour eux, c'est comme quand on vole une mobylette, en fait, on te la vole et en fait, ils la trouvent plus, ils ont plus de culture. Ils sont... Tu sais, rendez-nous notre culture. Non, mais ça, bon, excusez-moi, mais ça me fait marrer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais faut pas me lancer sur l'histoire des Noirs quand on leur vole. Enfin, c'est moi qui ai lancé ça. Autant pour moi. Non, mais tu fais bien, parce que je pense que justement, on est mieux de prendre ça dans tout ce phénomène, justement, assez ironique, etc. Mais voilà, c'est toujours pareil, les Noirs français s'assimilent beaucoup plus aux Noirs américains qu'aux Français blancs. C'est une constante normale, et je pense que si ça peut faire ouvrir les yeux à quelques personnes, ce serait pas mal. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'initiative à l'origine est de... C'est très ambigu, en fait. C'est-à-dire, donc, le message à l'origine qui est voulu par les initiateurs, donc Papen Jai, mais d'une manière générale, je veux dire, bon, ils ont une communauté de vues là-dessus, quand même. C'est de dire, voilà, il faut intégrer les Noirs et les Arabes, mais singulièrement les Noirs. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de chance dans la vie... Ils ont un handicap de base, mais qui n'est pas lié à leur origine raciale. C'est pas biologique, c'est simplement que voilà, ils sont discriminés, machin. Il faut leur tendre la main, etc. Donc en fait, quand ils font ça et que c'est des blancs, En fait, c'est vraiment des juifs et surtout des femmes blanches qui sont colorblind. C'est-à-dire, et là, c'est là où le serpent antiraciste se mord la queue. C'est-à-dire qu'ils se disent, maintenant, les races n'existent pas, donc en fait, peu importe qui lit le texte, il n'y a qu'une race. Donc c'est pas important si c'est des whites. Ils sont universalistes et ils croient vraiment au délire universaliste. Les autres en face, c'est des groupes raciaux et ils ont complètement intégré, depuis toujours, la lutte des races, au point où c'est instinctif. Donc eux, ils disent, non mais c'est pas un vrai discours antiraciste parce qu'ils le mesurent à quoi ? À la quantité d'halogènes qu'il y a dans le clip. C'est-à-dire que plus il y a d'halogènes, plus ils gagnent. Et plus c'est antiraciste, c'est-à-dire anti-blanc. C'est-à-dire que le mot antiraciste n'a pas la même signification en fonction de la race dont on parle. Donc pour un public noir ou arabe, antiraciste, ça veut dire anti-blanc. Donc si c'est un vrai discours antiraciste, il n'y a pas de blanc. On a gagné, on est les plus nombreux, on voit que nous. Donc en fait, c'est le narcissisme racial, on voit que nous. Et en fait, il n'y a que ces cons blancs qui croient vraiment au discours antiraciste au sens strict. Donc pas au discours antiraciste sous-entendu anti-blanc comme l'entendent les autres, mais vraiment, voilà, il n'y a pas de race, on est tous égaux, machin. Du coup, bah, peu importe, quoi. Et là, c'est une autre forme de narcissisme, c'est un peu du narcissisme social. En fait, ils mettent leur rejeton, ils sont contents, hey, c'est les premiers de la classe, t'as vu, il y a Eglantine, elle a été sélectionnée, machin, tu vois, les bobos à la con, quoi. Et eux, ils captent pas du tout la lutte raciale, ils voient pas du tout. Ils se disent simplement, on est les premiers de la classe, dans la classe antiraciste juive. Et là, ils se prennent un énorme backlash, et t'as tous les bougnoules, donc en gros les racisés, qui disent, ouais, mais on est où dans la photo, là ? On vous dérange pas trop, là ? Voilà. Donc en fait, tu mets en scène des blancs qui s'humilient, des jeunes blancs, en plus c'est ça qui est odieux, quoi, c'est que tu mets des jeunes blancs qui s'humilient rituellement devant un public de bougnoules et de nègres, au niveau ministériel, les blancs le obligent, hein, et la réaction est complètement inverse à ce qui était attendu. C'est-à-dire que plutôt que de voir des bougnoules et de nègres dire « Ah, génial, on va construire une société utopique, on est tous ensemble », les bougnoules, ils comptent les gens et ils disent « Putain, il n'y a que des whites. Il n'y a que des whites, il n'y a que des whites. » Et là, tu sens, t'es en Afrique du Sud, tu sens, ça se passe mal, quoi. Et là, tu vois, c'est là que ce télescope, l'idéal qui fait fi de la race, de l'universalisme déraciné, cosmopolite, on va dire, des blancs en juivet, qui croient aux conneries des juifs, et la réalité du terrain, des nègres et des bougnoules ultra racistes, ultra haineux, ultra anti-blancs, qui eux comptent les individus sur une base strictement raciale. Et là, ça marche pas, quoi. Et là, tu rentres dans le schéma américain, c'est-à-dire que pour être vraiment antiraciste, il faut enlever des blancs de la photo. Voilà. Et j'en profite, en vous donnant la parole à Jean, bien sûr, mais pour dire que donc Luther King a toujours été une prostituée des juifs. Ils ont su choisir, on a parlé de christianisme un peu, ils n'ont pas pris un pasteur au hasard. Parce qu'évidemment, à l'époque, l'Amérique était très chrétienne, très très chrétienne, beaucoup plus chrétienne à l'époque que la France ne l'était à l'époque, et pourtant à l'époque, elle était quand même, la France était plus chrétienne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais vraiment, dans les années 50 et 60, l'Amérique était très très très chrétienne. Vous voyez, les prières à l'école, les prières en public, c'était l'Amérique était vraiment un pays chrétien, au sens plein du terme. Pas au sens nominal, au sens plein et entier du terme. Donc utiliser un pasteur, c'était bien senti. Les juifs ont bien senti leur coup. Mais ils n'ont pas choisi n'importe qui. On a des photographies du nègre Luther King qui assistait à des réunions du Parti communiste américain, des réunions de formation politique. Et si vous avez un peu de connaissance dans la genèse du Parti communiste américain, vous savez qui c'est qui contrôlait ça, c'était les juifs à 100% depuis les années 1920. Il a toujours été dans ce bain-là, le Luther King. C'était un bon bonimenteur, c'était un bon phraseur, il savait bien exciter ses foules. C'est pas le seul. Aujourd'hui, vous avez qu'à vous intéresser à la scène évangélique américaine, vous avez des prêcheurs noirs américains, ils arrivent sur scène, c'est des showman, les mecs. Ils pourraient être des chanteurs, mais ils sont dans le religieux, vous voyez, c'est un créneau. Les mecs, ils sont impressionnants, hein, je vous assure, hein, même si vous êtes racistes comme nous, vous les voyez en scène, ils enflamment leur foule. C'est essentiellement des noirs, d'ailleurs, dans la salle, hein, il y a quelques blancs, mais c'est essentiellement des noirs, mais ils font la performance. Ils sont très convaincants. Vous pouvez vous laisser berner, si vous voulez. Le gars, c'est juste une performance artistique. Il descend de scène, il se tape de la coke, etc. Il en a à foutre. Mais ça fait partie du show à l'américaine, vous voyez. Et il y avait déjà ça. Donc, ils avaient bien choisi leurs clients. Mais il était intégralement sous contrôle des Juifs. Kennedy avait averti Martin Luther King. Il avait dit, écoute, tu fricotes avec le Parti communiste américain, viens plutôt chez nous, Parti démocrate. Parce que c'était à l'époque où il y avait encore des Juifs qui étaient vraiment fidèles aux Juifs de Moscou, du Comintern, encore dans les années 60. Et il y avait encore des zones d'ombre, en fait. Et Kennedy lui a dit, non, lâche ça parce que ça chauffe. Sinon, ça va mal se passer. Le nègre a persisté, parce qu'en fait, les Juifs lui avaient fait miroiter XY. Bon, ensuite, c'est pas Kennedy qui l'a fait buter. Hein, on avait fait comprendre à Kennedy... Bon, après, Kennedy a compris aussi, parce qu'on lui a fait comprendre par service postal, quoi. Hein, lui-même a fait face, en fait, au même service à domicile, quoi. Mais en gros, c'était ça. On a dit, voilà, on va vous calibrer, quoi. Bon, le nègre a été flingué. Mais il y avait deux options à ce moment-là. Il y avait l'autre option qui était la Nation of Islam, Malcolm X, autre très grand orateur noir. Malcolm X était supérieur à Luther King en termes de talent oratoire. Qu'est-ce qu'il disait, Malcolm X ? Il disait pas, hé les gars, on va se mélanger avec les blancs, on va vivre avec eux, on va participer à leur société. Il disait, non, on va se séparer des blancs, on va créer un état pour les noirs en Amérique. Et ils avaient toute une liste d'états comme ça en vue, et où, en fait, les blancs auraient dû quitter ces états, et ils auraient créé des états noirs pour les noirs. Donc, un vrai programme Black Nationalist. Ça, c'était la Nation of Islam, dont Louis Farrakhan, d'ailleurs, est un membre. Et je n'ai pas besoin de vous dire le passif de Louis Farrakhan avec les Juifs. Malcolm X était là-dessus. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? Malcolm X s'est fait calibrer, il a été assassiné. Et qui c'est qu'on a mis en avant ? Le bon nègre Martin Luther King qui veut faire partie de la société avec les blancs, appartenir à la société avec les blancs, participer, avoir la place, la discrimination positive. Voilà, tu vois, c'est ce qui s'est passé. Et là, on a bouffé la discrimination positive. Hein. Ils les ont mis partout, les médias, dans l'armée, parce qu'ils ont mis beaucoup de nègres. L'armée avant était discriminée, et c'était bon pour les blancs, pour les blacks, parce que les noirs à l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient jamais en première ligne. Jamais les noirs étaient en première ligne. Et ils étaient toujours dans des unités de logistique quand ils étaient quelque part. Ça les empêchait pas de violer d'ailleurs. Les Normands s'en rappelleront, je pense. Ils étaient jamais en première ligne. Avec la déségrégation de l'armée qui a été imposée par Eisenhower et qui a été ensuite soutenue par tout ce mouvement de mères de juifs, les Noirs ont eu le droit d'être en première ligne. Et au Vietnam, là, ils ont goûté, les mecs. Parce que 30% des unités de première ligne étaient composées de Noirs au Vietnam. Et là, il y a plein de Blacks qui se sont fait tuer au Vietnam, n'est-ce pas ? Et ça, c'est l'autre face dont on ne parle pas, de la déségrégation, comme ils disent, les droits civiques de mes couilles. On n'en parle pas trop de ça, on n'en parle pas trop. Si on avait suivi la voie de Malcolm X, les Noirs auraient eu un État noir aux États-Unis, les Blancs auraient continué à vivre entre Blancs, on n'aurait pas vu toute cette matrice de melting pot qu'on a vu et qui a détruit les États-Unis. Donc, son discours à Washington, ça consiste à dire quoi ? C'est joli, c'est les blancs, les petits enfants blancs, les petits enfants noirs, on sera tous frères. Ouais, non, ça c'est le rêve des juifs. On va métisser toutes les races, on va vous empêcher de défendre votre groupe racial originel, on va vous empêcher d'être une race forte, et on va tous vous mélanger les uns avec les autres, et nous on va tirer les ficelles derrière. Et ils ont trouvé leur bon nègre, Luther King, pour le faire. Et maintenant, t'as le buste de Luther King à la Maison Blanche, à côté de qui ? De Churchill. Réfléchissez 3 secondes. Pourquoi tout président américain doit baiser le cul en entrant dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale ? Pourquoi il doit baiser le cul de Churchill et du nègre Luther King. D'après vous, est-ce que ce sont des héros américains ou est-ce que c'est parce que Churchill, un Britannique, qu'est-ce qu'il vient foutre un Britannique dans le bureau ovale des États-Unis? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas Roosevelt? C'est le président des États-Unis durant la guerre. Pourquoi pas Roosevelt? C'est parce que c'est lui qui a empêché la victoire d'Hitler. Ah? Et pourquoi Luther King? C'est lui qui a empêché que les Blacks ils aient leur État aux States. Pour faire un yaourt dégueulasse de toutes les races de la Terre, aux mains des Juifs. Donc, c'est ça, que, quand tu deviens président des États-Unis, c'est les idoles des Juifs qui sont dans ton bureau. Et tu dois les regarder tous les matins. Les gens, ils voient pas ça, n'est-ce pas? Ils voient pas ces petits détails-là. Donc, ouais, ok. Donc, quand tu vois le mulâtre Ndiaye marié à une juive qui vient te demander à des petits Français blancs de chanter ça, l'idée, c'est ça. C'est on va faire le programme américain de déségrégation. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la déségrégation? En plus de juste dire, voilà, on aime tout le monde. On va mettre des nègres partout. Parce que je vous dis, faut pas de bloc de peuplement homogène. Il faut casser ça, ok? En fait, y a pas de race, ça n'existe pas les races. On va mélanger tout le monde. On est tous égaux. Ils ont fait le housing. Le housing. C'est-à-dire, on va mettre des nègres dans les quartiers blancs. On va aussi déségréguer les tôles. C'est-à-dire, avant, les tôles américaines étaient ségrégées, c'est-à-dire qu'elles étaient séparées par race, ce qui était vachement mieux. C'était beaucoup plus sûr. Les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs. Maintenant, tu es aux États-Unis, tu arrives dans une tôle, ouais, mon ami, il n'y a pas de mur. Le seul mur qui existe, c'est le mur physique de la viande, le mur de ta race. T'es avec les blancs, t'es avec les latinos, les hispaniques, t'es avec les noirs, etc. Voilà. Et t'as pas le choix. C'est-à-dire que tous les derniers des connards de blancs, qui sont même pas racistes, qui arrivent dans une tôle aux États-Unis, ils deviennent tous des nazis en puissance parce que t'es obligé d'être un nazi en tôle aux États-Unis. T'as pas le choix, sinon tu te fais assassiner. Si jamais tu fais mine de dire je suis pas solidaire de ma race, donc t'es un white, t'arrives en tôle aux États-Unis, tu dis non, non, moi je suis pas un nazi, moi. Pas un racisme, moi. J'aime tout le monde. Les blacks vont venir, ils vont te planter. Les hispaniques vont te violer dans les chiottes. Tu vas te faire absolument rétamer la gueule. Et en plus, les blancs vont aussi s'occuper de toi si nécessaire. T'es obligé de fonctionner selon la ligne raciale. Ça, c'est les années 60, la déségrégation. Le housing, la même chose. On va vous mettre des nègres dans vos quartiers. Ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce qui se passe? Les quartiers qui étaient paisibles entre blancs deviennent des coupes-gorges. Les blancs se cassent. Le mur de l'argent devient la seule solution. C'est ce qui s'est passé après le discours de Luther King. Donc quand ils vous pondent un truc pareil dans vos dents et quand ils le mettent dans la bouche de petits blancs, c'est la viande à la strychnine. Si on vous met des nègres qui vous disent « Ouais, on va tous vivre ensemble », tu sais, le blanc, il peut être sceptique. Tu sais, le blanc de base, le français de base, quoi. Tu sais, surtout les bonnes femmes. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Des petits blancs, des petits angelots blancs. Nous sommes tous frères, etc. Tout le monde achète. Toutes les mères de famille, elles achètent. Ah ouais, c'est vrai, c'est super, c'est joli, quoi. Et en fait, ils ne voient pas derrière la machine de guerre raciale juive d'extermination. Ils ne voient rien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous n'avez pas entendu Macron parler de politique de peuplement? Vous n'avez pas entendu parler de répartition de migrants? Vous n'avez pas entendu dire que finalement, il serait temps de d'étendre la loi SRU, etc. Voilà, on fait ce qu'ont fait les États-Unis. On est là-dedans. L'Amérique, en 2042, c'est les chiffres officiels du gouvernement fédéral, sera à minorité blanche. Pas besoin de réfléchir. Donc en fait, le mulâtre Ndiaye, évidemment solidairement Attal, quand il vous met des petits angelots blancs comme ça à vous chanter le truc de Luther King, c'est juste pour vous dire que vous allez vous faire exterminer et vos gosses vont se faire écraser racialement, physiquement. Donc vous mettez des gosses au monde pour qu'ils se fassent persécuter? Non. Les juifs sont en guerre contre nous, ils utilisent les nègres pour leur fin. Ça, c'est aux États-Unis depuis 50 ou 60 ans. Donc, et il y avait une alternative à ça. C'était des gens comme Malcolm X, c'était des gens comme Louis Farrakhan, c'était la Nation of Islam. Dans les meetings de Malcolm X, les meetings de Farrakhan, les meetings de la Nation of Islam, il y avait des mecs comme Rockwell, c'était des nationaux socialistes américains, les mecs venaient avec des brassards à croix gammées au milieu des racistes noirs, et ils étaient au premier rang. Et on discutait comment on allait organiser une contre-solution raciale à l'offensive juive. Voilà, ça c'était des mecs qui ont essayé de changer quelque chose. Vous voyez? On ne s'apprécie pas parce qu'on est incompatible racialement, mais au moins on essaye de fonctionner dans la bonne direction. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que si on laisse les Juifs venir à leur fin en foutant le boxon dans nos têtes, parce que rappelez-vous que ce sont les mêmes gens qui font ça, qui nous parlent d'Abaya et compagnie, hein, pour nous dire, voilà, il y a des bons musulmans, les mauvais musulmans. Non, il faut fonctionner justement entre séparatistes. Il faut fonctionner entre séparatistes aujourd'hui. Séparatistes musulmans, séparatistes noirs, séparatistes blancs. C'est sur ce mode qu'ils font fonctionner. Oui, c'est pas ce qu'on voudrait en tant que blanc en Europe. On préférait être les maîtres absolus. Simplement, il y a quand même une réalité sur le terrain au plan démographique et ça s'impose à nous, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Donc, dans la constellation actuelle, il faut qu'on fonctionne sur un autre mode avec d'autres gens, y compris des gens avec lesquels on n'aurait pas nécessairement voulu parler, mais quand même, parce que sinon, on sera en minorité sur la terre de nos ancêtres, définitivement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et si vous remarquez, dans la presse, on commence à nous le faire comprendre. Il y a maintenant des analyses, c'est bizarre, hein, tout d'un coup l'INSEE commence à reconnaître des trucs. On comptait éventuellement en parler, mais voilà, il commence à vous faire, Robert, j'ai une nouvelle pour toi. Tu sais, genre Le Figaro, tu sais, Bloc d'Assaut et compagnie, quoi. L'INSEE, ils ont découvert un truc fascinant, là. Personne ne savait, quoi. En 2060-70, en fait, les Blancs, ils sont minoritaires en France. Ça nous a bluffé, quoi. Voilà, alors, comment on fait, quoi, voilà. Et c'est, ça tombe comme ça, c'est bizarre, tu sais. Et en fait, non, c'est pas bizarre, c'est... On t'acclimate, on t'amène vers là où on veut t'amener, quoi, tu vois. Les Américains, ils en sont là, et il n'y a pas de révolte, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un peu un long monologue, mais il faut décrypter. Et je vous assure que quand vous voyez les Juifs, vous envoyez des petits blancs pour vous chanter du Luther King, attention, parce que précisément, c'est parce qu'ils vont faire saigner des petits blancs. Les Juifs sont des démons à forme humaine. Vous-même, comme vous n'avez pas d'intention, vous n'avez pas cette âme aussi visqueuse de mal. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais ces gens suent le mal. Et en fait, ils vous épatent par leur vice. Et ils arrivent en face de vous et vous vous attendez à rien de méchant. Et ils viennent vous tuer. Voilà ce que sont les Juifs. Et c'était ça l'esprit de cette initiative. Et en fait, dans l'affaire, bah, c'est les Bougnoules et les Nègres qui ont fait dérailler le train. Qui n'a pas déraillé aux États-Unis, je vous le rappelle. Il n'a pas déraillé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont déségrégué à bloc, tout s'est bien passé, parce qu'il n'y avait pas l'islam. Voilà. Alors, bon, j'ai été long, mais je veux quand même vos réactions là-dessus. Est-ce que vous partagez mon analyse ou pas? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez des solutions alternatives ou pas? Alors, moi, sur ton analyse, je dirais que bah, je la suis à 100%. Hein. Sur les solutions, c'est un peu compliqué. Je pense que de toute façon, il y a un moment où il faudra faire face, hein, à tout ça. J'ai pas de doute qu'on pourra faire face. Hein. J'espère que ce sera assez tôt. Ce sera toujours difficile. Moi, je suis assez optimiste sur toutes ces questions. Je préfère l'être, disons. Par contre, je pense que déjà le premier pas, c'est de voir la réalité en face et pas simplement la réalité statistique, parce que comme tu l'as dit, officiellement. Ils vont annoncer que, je sais plus c'est combien, mais c'est 30% grosso modo de la population de moins de 60 ans qui a une origine étrangère, avec une majorité de ces 30% qui est africaine grosso modo. Ça fait quand même des millions de personnes. Ça fait des millions de personnes et on n'en est plus au constat, mitigé, à compter, à se dire oui, mais est-ce que si lui met pas la baïa, est-ce qu'on peut, enfin ou elle d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut le garder, etc. Non, je pense qu'il y a un moment où il faut trancher. La question pour trancher, c'est la race. Et à partir de là, faut s'organiser. Moi, si je devais avancer quand même une solution, parce qu'il faut quand même essayer d'en avancer, c'est la solution de la communauté. J'aurai sûrement plus de temps pour en parler une prochaine fois, mais déjà la communauté, ce que tu as déjà longuement développé avec la Grande Bourgogne, hein, Oui, c'est déjà une enfin première chose. l'idée raciale communautaire, ouais. C'est ça. Jean, pas grand-chose à rajouter sur ce sujet, simplement le ministère de l'Éducation nationale, c'est vraiment l'artillerie lourde de l'indoctrination du système. C'est plutôt le ministère de l'indoctrination républicaine. Et donc dès qu'ils font quelque chose d'officiel, on sait que ça va être contre nous. Ils ont travaillé longuement contre nos intérêts depuis sa création là, nous a bassinés sur les lois Ferry et ainsi de suite. Mais en fait, à chaque fois, c'est des trucs qui remplacent des schémas qui étaient meilleurs avant. Et puis, ben, ils essayent d'utiliser ça comme liant pour cette république, mais elle est en déperdition parce que racialement, je veux bien essayer de parler avec des musulmans pour qu'on se sépare. Effectivement, ça, ce serait Non, on le parle seul pas. moyen. Oui, je dis non. Quand je dis ça, ce que je voulais dire, tu vas pas discuter au bord d'une table. Je veux dire, c'est il y a une convergence naturelle entre tous ceux qui ne veulent pas vivre avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire davantage. C'est plus une convergence objective qu'une espèce de plan. Non, non, pas du tout. Mais je veux dire de gens qui sont au moins d'accord sur le fait qu'on veut pas justement vivre dans leur société plurielle ou machin. Et où en fait on dit juste non mais nous on bosse pour nous point barre, on s'en fout de vos trucs, vos valeurs, vos machins. Et en fait de ce point de vue-là, des musulmans qui sont islamistes sont, certains vont me dire que c'est la même chose, mais sont préférables. C'est ce que je voulais dire. C'est plus ça que je voulais dire. C'est pas d'aller discuter avec des islamistes ou je sais pas quoi. C'est plus de converger naturellement entre gens qui ne voulons pas vivre ensemble. C'est ce que je veux dire. De toute façon, que ce soit conscient ou inconscient, c'est toujours ce qui se passe. L'huile se sépare de l'eau. Et je crois que ça va se faire de manière forcée ou naturellement, enfin, de manière forcée brutalement ou naturellement avec le temps. Et tant que c'est pour ça que le plus important, à mon avis, c'est d'entretenir une démographie blanche. C'est que tant qu'il y aura des populations blanches, quand même, d'une taille critique, d'une certaine taille, on pourra repartir quelque part parce que bon, faut pas se leurrer, ces gens-là, ils ont rien à foutre au-dessus de, disons, de la Loire, c'est pas du tout leur climat, leur biotope. C'est très généreux là. Ou bah, Moi, j'ai pas là, ce qu'on veut dire. Moi, au-dessus du Sahel, moi, ça devient compliqué déjà pour moi. Hein, si tu vas dans le Var, t'as quand même l'impression d'un temps de nègre ou de bougnoul à minima le temps, le en temps, été. le climat, dis-tu, le climat, Oui, dis-tu. le climat, Climat. absolument. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est-à-dire, c'est une question de biotope. Si ces gens sans Oui, absolument, notre absolument. infrastructure, sans notre génie, ils auraient jamais l'électricité, ils auraient jamais de quoi se chauffer. Dès qu'il y aurait la moindre vague de froid, bon, tu peux survivre si t'es, je sais pas moi, à Mais tu sais quoi? Marseille ou à Eh, Toulon. si je suis un peu provocateur, je te coupe, mais est-ce que si on n'arrête pas les centrales nucléaires, comme le demande Sandrine Rousseau, et si on met pas des faux systèmes des systèmes électriques qui n'en sont pas, comme des éoliennes, etc., est-ce que finalement, faute de courant, est-ce qu'ils vont pas rentrer chez eux? Non, mais. Bah oui, mais je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre eux qui va rentrer, ils vont rentrer chez eux. À mon C'est pas avis, leur territoire. Ils tu auront coupes du mal à la l'électricité, à mon contrôler. avis, il reste pas, hein, je pense, hein. Franchement, Non. Bah déjà quand il y a eu le Covid, ils sont partis. Il y en a bon nombre qui a monté dans, qui sont tous montés dans des avions pour rentrer vite au bled. Quand ils ont annoncé le confinement, hein, il y avait des vidéos. Ouais. Mais d'ailleurs, Et il les voulait pas tellement chez eux, d'ailleurs, hein, même au bled, hein. oui, bah oui. Maroc, non, non, non, non. C'est ça. Mais on est marocains, oui, non, non. C'était assez marrant quand même à voir. La solidarité, c'est assez limite visiblement chez eux aussi, quoi. Ah ouais. Mais surtout, puis alors la solidarité entre maghrébins, si ça fait du jet ski du mauvais côté de la frontière, alors là Oula, ça oula. s'arrête tout immédiatement là. Ouh. On n'en parle plus. Moi qui croyais à, tu sais, Maghreb United et tout ça. Oula, oui. Grosse dépressurisation du cockpit là. J'étais déçu. Ah oui. Grosse force aux Algériens quand même au passage. Parce que, quand même, je défends mon équipe, mais. Non, mais moi je suis pro Algérie, moi. Je veux dire, on va encore me reprocher ça, mais. Non, mais c'est pas possible. Le Maroc, c'est trop enjuivé. C'est vraiment, vous me demandez l'impossible, donc excusez-moi. S'il y a une guerre entre le Maroc et l'Algérie, je serais quand même. On va dire, non, il faut être neutre. Ouais, mais. Non, mais moi, je trouve que l'application du respect des frontières par les Algériens classe. inspire. Voilà, moi, il se l'applique pas, on est d'accord, il se l'applique pas, mais il l'applique aux autres, et ça, c'est oui. remarquable. Ben, c'est comme ça, t'appliques sur ton territoire, enfin, tu t'appliques la défense de ton territoire. Moi, je trouve que c'est du bon travail, pour une fois, c'est pas du travail. Mais, ouais, ça... mais quand tu vois ça, quand même, ils ont calibré là les deux. Les deux gogoles là. Enfin franco-marocains, parce qu'il c'était quand même il fallait bien un peu de France dans l'affaire, sinon c'était pas drôle. Mais je veux dire, putain, c'est pas la vallée de la Roya avec Cédric Herrou, hein. Ben non. La vache. Puis c'est pas les gendarmes français ou les douanes françaises, hein. Ah non, putain, tu vas me dire, c'est ce qu'il dirait aussi. Bah ouais, mais nous on obéit aux ordres, on dit tirer, on tire, on nous dit pas de tirer, on tire pas. Bon. Mais waouh. Bah putain, moi je vais aller en Algérie, hein, je me sentirai en sécurité. Hein. Je veux dire. Bah, ouais, mais je me souviens d'une vidéo d'Aldostérone, il expliquait que pour les Algériens, violer le sol algérien, c'est quasiment pire que d'insulter Allah. Quoi. C'est pour eux, c'est le pire normal. Crime que tu puisses commettre. C'est normal. De violer leurs frontières, c'est vraiment ce qu'il y a de plus affreux. Et je suis parfaitement d'accord. C'est un réflexe instinctif. Si t'as pas de territoire, et bah t'existes pas en fait. Exactement. T'es un animal errant et tu peux pas revendiquer une communauté, parce que si t'as une communauté, t'as forcément une terre. Donc tu puis c'est la terre des ancêtres. C'est la terre où tu enterres tes ancêtres aussi. C'est ça qui compte aussi beaucoup. C'est pas n'importe quelle terre. C'est là où toutes tes racines se trouvent. Moi, je me reconnais là-dedans. Après, les Algériens, ils viennent en France, ils se torchent sur la France, et en fait, sur tous les pays où ils vont, comme sur un paillasson, et ils en rigolent, etc., parce qu'en fait, ils ont pas de valeur de respect pour les autres. Mais dans leur pays, en tout cas, ça, c'est beaucoup plus carré, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec ça, mais ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Mais de toute façon, en fait, les gens, ils comprennent ça anthropologiquement. Je veux dire, tu rentres chez quelqu'un sans être invité. Enfin, on rentre chez moi sans être invité. Il y a un cambrioleur, je ne vais pas l'accueillir avec des roses. Je vais lui casser le crâne. Bah oui. Tout le monde comprend ça. C'est même pas, tu ne vas même pas en faire une réflexion. Tu ne vas pas te demander quoi que ce soit. Pas une théorie, bah bien sûr. C'est juste, oui, c'est mon espace vital, casse-toi. Tu vois. Voilà. Mais en fait, les gauchistes, les juifs aussi, hein, mais je veux dire, et les femmes aussi, parce que les femmes, elles, en fait, c'est pas que les femmes vont théoriser le sang frontière, c'est simplement que face à la force, elles capitulent. Donc en fait, elles essayent constamment d'accommoder le coup de force, en fait. Donc c'est ça qui crée le climat d'acceptation, d'assaut contre le périmètre. Mais non, il y aurait un vrai chef de l'État, en France et en Occident. Quelque part, enfin, je ne sais pas, dans le monde blanc. Première règle, garantir totalement l'intégrité des frontières. C'est le premier truc. Avant tout le reste. Et en fait, il y a un effet de cascade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde sentirait que les frontières sont sécurisées, immédiatement, toutes les frontières intérieures au plan hiérarchique se mettraient à se reformer immédiatement. Et l'espèce de sentiment d'anarchie ambiante, très vite, c'est son prêt. Ça adviendrait très vite. C'est marrant, ce phénomène domino, dans un sens ou dans un autre, quoi. C'est-à-dire, si tu abolis les frontières, tout d'un coup, ah, c'est marrant, tu vois, t'as l'Afrique qui arrive chez toi, dans ton salon, tu sais. Et à l'inverse, si tu dresses des frontières dures, quitte à tuer, tout d'un coup, tout le monde a peur de toi à 4000 km. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça, quoi. Mais c'est notre faute, hein, c'est notre faute, enfin. Oui, c'est notre faute collective, c'est pas juste, il n'y a pas juste que les Juifs qui font leur sale boulot, c'est aussi qu'on est très largement consentant de ce qui se passe. Hein. Faut pas se leurrer, hein, je veux dire, en dernière analyse, on est quand même maître de son destin, et quand on accepte tout ça... Moi, je vois que les Français, ils acceptent beaucoup de trucs. Hein, je veux dire, pas rêver, quoi. ils sont très complaisants, les Français, avec toutes les saloperies. C'est pour ça que je suis modérément complaisant avec les Français. Modérément complaisant. Quand tu vois ce qui arrive à des enfants, des gamines, etc. Les mecs sont là, ouais, mais quand même, putain, les OQTF, il y en a marre. Non, non, non, là, c'est vous vous trompez, là. C'est pas chouiner sur les OQTF qu'il faut faire. Non. Vous êtes responsable. Et le pouvoir, comme il n'est pas tenu, comme il n'est pas tenu de répondre, il s'en fout. Il s'enlève les mains. Darmanin continue à faire le malin, cette espèce de pruneau d'Agen, là, il continue à montrer sa sale gueule. Voilà. Sarkozy dit qu'il est super compétent, il veut le voir président, ok, bon, pourquoi pas, tout. Allons-y, quoi, tu vois, on s'en fout, quoi. Et Macron le trouve super compétent parce qu'il le maintient ministre, ok. En même temps, qui pourrait être Macron pour donner des leçons de compétence à quiconque? En fait, bon, pourquoi pas. Moretti est toujours garde des Sceaux, même s'il est devenu invisible. Il est invisible, on ne voit plus. Ils n'ont aucun pouvoir, ces ministres. C'est possible, mais bon, en fait, ils n'essayent plus de faire semblant. Je pense qu'il y a quand même un changement. Ils n'essayent plus de faire semblant d'être compétents. Avant, c'était quand même un enjeu. Pas d'être compétent, mais de faire semblant d'eux. Là, visiblement, c'est plus du tout un cap. Non, non, on peut complètement être des branleurs, mais incompétents. On peut même plus montrer notre gueule, comme Moretti, je te dis, on ne le voit plus. Voilà, c'est cool. Bah, c'est comme le multipartisme, c'est comme le respect de la Constitution, c'est comme un nombre de choses incroyables depuis, disons, ces 5 dernières années, depuis la première élection de Macron. Ils ont totalement arrêté de faire semblant. Il y a beaucoup de choses, bon bah c'est comme ça, pendant le Covid on s'est totalement assis sur tout un tas de règles constitutionnelles. Justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que sur le Covid, on était en ultra-contrôle, là c'est les vacances, tu vois, et on peut cogiter, mais je veux dire, passer de l'ultra-contrôle, eh putain, monte tes papiers, tu vas au restaurant, sinon je te mets des drones, tu vois, je t'enlève, etc., ouais, non, il y a un ministre, je sais pas, je crois, ouais, possiblement, tu vois, au QTF, quoi, c'est quoi ça, je sais plus. Tu vois, c'est espèce de... Tu bascules entre la tyrannie et l'anarchie. Donc la fameuse anarcho-tyrannie, mais... tu vois, en alternatif, quoi, tu vois, allez, tiens, allez. Deux ans de tyrannie, ouah, 2 ans d'anarchie, ouah. Putain, donc derrière, on va se reprendre encore 2 ans de tyrannie, quoi, ok. Ça va durer combien de temps, ça, tu vois. On a quand même changé de système de gestion des masses, quoi. C'est évident. Le truc à l'ancienne avec les élections, machin, on fait voter tous les 5 ans, ça s'est passé, hein. Maintenant, ils sont quand même dans ce truc-là, justement, de l'hyper-invasif ou au contraire de... J'ai l'impression, en tout cas, à voir, quoi. Bah, c'est clair que le régime a quand même muté depuis les années 80. Oui, ça se voit par tous les ports... les vidéos qu'on peut trouver de l'époque, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Oh. Et bon, bah, certains parlent effectivement de l'effondrement du niveau, mais c'est qu'un aspect du truc, parce que c'était quand même inimaginable, je pense, il y a 30-40 ans, de se dire qu'il y avait un seul parti, le parti de Macron, puis le type convoque les présidents, du moins les représentants des autres partis à l'Élysée, et que tout le monde tombe d'accord. C'est ce qu'on nous a dit, mais on n'était pas au courant. Enfin, je sais pas, ils ont dit, ils sont d'accord sur la politique étrangère, c'est ça, hein, sur l'Ukraine. Ouais, bah, dans les faits. Donc les vrais sujets durs, sortis, en fait. C'est pas sorti, Bardella est pas sorti dans les médias à s'exciter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais pas du tout d'accord. Je veux un référendum sur tel ou tel truc. Non, c'est passé. On a dit, l'idée d'un référendum, je pense que ils avaient fait flotter ça dans la presse pour faire mousser un peu Macron, regarder ce grand démocrate. Qui n'est pas un tyran, puis finalement, bah, comme tout le monde est d'accord, pour être d'accord avec Macron, l'être suprême qui est affiché dans toutes les mairies de France et de Navarre. Oh, putain, mais ça c'est vrai en plus. Ouais. Et ben voilà, c'est réglé, le régime continue. Moi je trouve que c'est quand même intéressant, hein, de voir que la dérive devient de plus en plus évidente vers un système qui est incontrôlable et qui est aux mains d'un seul homme. Là, bon, je sais que Asselineau n'est pas dans les faveurs de tout le monde, mais enfin, il a fait une vidéo assez amusante sur l'affaire nigériane. Là, le fait qu'il est interdit à son ambassadeur de revenir, et donc ben les nègres locaux ont coupé oui, l'électricité, oui. L'eau, le gaz. Donc le type a plus rien. Il est en état de siège là-bas dans le désert. Et Macron rien à foutre. Ben non, il viole le droit international, viole la convention de Vienne. De 1961, bon, tout va bien. De toute façon, c'est qu'un ambassadeur. Enfin bon, il y a quand même une dérive assez délirante de ne plus respecter aucun protocole qui, on sait, était hypocrite. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu ridicules de l'ancien monde que nous dénonçons, le monde post-45 notamment. Mais enfin bon, au moins il y avait une certaine façade, il y avait une apparence. Et là c'est fini. C'est maintenant, c'est. Ouais, je gère chez moi, je m'en branle. Ouais. Il n'y a plus de protocole. Ouais. Non mais j'ai vu ça et Macron il a fait son coup de menton, etc. avec ses nègres. Alors évidemment l'armée française peut les torcher, mais c'est pas une solution parce que bah pff, oui, enfin voilà des millions de nègres en question, c'est enfin oui. 1000 soldats français si sûr, peuvent torcher est-ce tout. Est-ce qu'ils ont les munitions? Parce que je me remets pas en cause les compétences de l'armée française. Si, si, c'est bon. C'est, en plus, les militaires français, ils adorent ce genre de, les trucs coloniaux comme les Français, les militaires français, c'est leur truc, c'est leur cam. Ça, c'est, tu vois, c'est, ils en peuvent plus, quoi. Donc, ils sont là, ouais, putain, attends, là, j'ose même pas imaginer les généraux français, là, les escamoter des plans pour, tu vois, tenir tête. Mais politiquement, c'est débile, je veux dire, c'est juste débile, ça sert à rien, et c'est précisément parce que ça sert à rien qu'ils vont le faire, tu vois, c'était sûr, de toute façon, quand c'est con, ils vont le faire, voilà, ils vont nous faire un fort à la mot, là, mais en plus, ils sont foutus de nous en faire des livres, après. On va voir dans quel état il en ressort vivant, l'ambassadeur. Ah, ils vont peut-être le bouffer à midi, ouais, lui. Non, mais. Ils vont attraper le sida, sinon pas déjà, tu me diras. Mais quand même. Hein? Dans leur pédale. Je savais pas qu'ils avaient coupé l'eau. Donc Claude, il chie au fond du jardin ou quoi, comment ça se passe dans son trou à la con? Ouais, c'est ça. Asselineau, il dit dans sa vidéo, bah, il va. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans 6 mois, l'État français va capituler, puis ils vont avoir un type complètement hagard. Non, ils vont émacié, non, mais moi, je. Qui pura le chacal. Ils vont envoyer une colonne blindée là-bas. Mais bien sûr! Non, mais t'imagines, c'est. Non, mais là, ce serait super grave. Franchement, d'un bah point non. de vue. Parce qu'ils vont dire, les militaires, ils vont dire. Mais même les Américains, ils sont plus côté Niger, enfin ils sont plus côté. Ouais, ils mettent un peu plus. Ils ont dit bon, il faut le libérer maintenant. Mais ils ont quand même envoyé un nouvel ambassadeur. Ils ont accepté l'existence de la nouvelle junte au pouvoir. Et puis voilà. Ouais, mais les Francaouis, ils sont pas d'accord. Ils se font doubler. Les Américains, ils en branlent hein, du Niger, ils s'en foutent pour eux. C'est... Mais ils sont. Les autres, les Nigériens, ils en ont rien à foutre des États-Unis. Ils disent, les gars, vous voulez quoi? De toute façon, la Nuland, la juive, elle est venue voir. Elle a dit, les Russes, machin. Donc, les mecs ont dit, ouais, mais en fait pas, les Russes s'en foutent, Wagner, etc. Ce qui est probablement vrai, d'ailleurs, c'est une sorte d'embrouille entre eux, quoi, tu vois. De roi nègre, quoi. Mais les Français, enfin, Macron a fait son coq. Et les autres, ils ont besoin. Et la nouvelle junte, elle a besoin. Si tu. D'une tête à montrer à la foule. Il faut un trophée à la foule. Regardez, on a coupé la tête du maître. Alors que c'est pas comme ça, en vrai. C'est vrai que c'est pas les Français qui font la plus beau temps. Ils ont joué un rôle important. Mais ça explique pas tout, etc. Mais il leur faut quelqu'un. Donc ces cons de nègres, bah ils ont pas été si cons que ça parce qu'ils ont négocié avec la Nuland, ils ont dit voilà, je veux pas de Russes sur chez vous, sinon on vous tue quoi. En gros, elle a dû leur dire ça. Les négros, ils ont dit bon, ok, d'accord, pas de Russes chez nous, c'est entendu. Bon, dans 2 ans il y aura des Russes, mais c'est pas grave. Chaque seconde. Par contre, les Français, on veut pas en entendre parler. La Nuland, elle a dû dire, vous savez, moi les Français, c'est pas trop ma tasse de thé. Et moyennant quoi? Ils ont accepté. tu me dis qu'il y a un nouvel ambassadeur, il a présenté ses lettres de créance, et pendant ce temps-là, l'ambassadeur français, il est en train de chier dans un putain de seau au fond de son jardin, tu vois. Et là, Macron, c'est une dinde. Alors, Macron, alors qu'est-ce qu'il va faire, Macron? Il s'est déjà fait barboter ses putains de sous-marins en Australie. Il avait rappelé son ambassadeur avec son coup de menton de merde. Ça l'a pas empêché d'aller voir Biden, de lui mendier de l'essence. Parce que tout le monde a oublié ça, mais il est parti mendier de l'essence. À Biden, je veux dire. Après avoir rappelé ses ambassadeurs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rappeler encore? En disant, vous m'avez poigné dans le dos? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement. Mais les Français n'ont qu'à s'en vouloir quand même. Ils sont gouvernés par des balais à chiottes parce qu'ils acceptent d'être gouvernés par des balais à chiottes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étrons qui se baladent en France aussi. Ça, c'est fait. Non. On bat dans les rues, on voit que des étrons hein, qui... tu vois, je sais pas. Hélas. Voilà. Mais bon, c'est vrai que... Il n'empêche que sur Twitter, on fait quand même des cartes sans l'Allemagne. Ça, c'est un fait. Et finalement, n'est-ce pas le plus important? Je pose la question. Ben oui. Hein? Voilà. Chers amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et on se tient en courant, puisqu'évidemment, il y a la cabane au fond du jardin au Niger. Nous suivons le siège avec attention.